الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة لقد طلب مني أن آتي إليكم والمسافة بعيدة ولكن إن شاء الله هي في الاحتساب ونسأل الله عز وجل أن يجمع هذه الوجوه الطيبة أن يجمعنا وإياكم في جنته بكرمه ومنه سبحانه فنحن دائما بشوق إلى لقاء إخواننا المسلمين لا سيما في هذه المناسبات التي هي إلقاء كلمة فيها إن شاء الله تسديد من الله سبحانه وتعالى. Donc mes frères, je suis heureux de vous rencontrer bien sûr. C'est la première fois que je viens dans cette mosquée. On m'a demandé donc de venir donner une parole. Alors le sujet est un peu vague, il y avait le comportement, il y avait la mosquée, ahlan bik, masha'Allah. C'est une connaissance que de longtemps que j'ai. Allah musta'an. Tayyib. Donc on m'a demandé de venir ici à faire une parole qui va englober plus le al-khuluq, yani husn al-khuluq, le bon comportement que doit avoir le musulman. Et bien sûr, Inch'Allah, parler de grands axes, yani de grands points importants, nuqat yani muhimma, fi ma yata'allaqu bil masjid, en ce qui concerne, yani la mosquée. Et nas'Allah Azza wa Jalla al-'aun 'ala dhalik. Yaqulu ahlu al-'ilm bi anna al-khuluq huwa suratu al-insan al-batina. Al-khuluq هو صورة الإنسان الباطنة لأن للإنسان صورتين صورة ظاهرة وهي شكل خلقته التي جعل الله البدن عليه منها فمنها ما هو جميل ومنها ما هو قبيح ومنها ما هو أو ما بين ذلك وصورته الباطنة فهي كذلك تنقسم إلى قسمين القسم الأول هي الصورة الحسنة والقسم الثاني هي الصورة السيئة وكذلك هناك يعني تفاوت يعني بين الصورتين وعلى هذا فلا نستطيع أن نعطي حكما واحدا في المسألة لأن الأخلاق تتفاوت من شخص إلى آخر. طيب. Donc je traduis un petit peu. J'ai préféré bien sûr conserver l'arabe, car l'arabe c'est notre langue, c'est la langue des musulmans. Allah dit Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qur'an, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez. Donc mes frères, et là je fais une petite parenthèse sur la langue arabe, sachez que l'apprentissage de notre religion, yani ta'allum dinina, wajib. Comme a dit alayhi salatu wassalam, talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que étudier ou prendre la science est une obligation pour tout musulman. Taïb. Comment vas-tu comprendre le Coran? Ou comment vas-tu d'abord lire le Coran si ce n'est que par la langue arabe? Il y a donc l'obligation pour chaque musulman qui peut bien sûr apprendre la langue arabe, ne serait-ce qu'un minimum, car vous savez que la prière également n'est valable que par Sourate al-Fatiha. Donc il va être obligé de passer par cela, yani par l'apprentissage de Al-Fatiha. Al-Fatiha est en langue arabe. Tu ne vas pas commencer à réciter en langue française en disant louange à Dieu, Seigneur des univers, etc. J'ai préféré donc conserver une partie en arabe, car l'arabe est obligatoire à tout musulman. L'arabe, c'est une langue, c'est la langue comme vous savez que notre religion est une seule religion. Nous avons également une seule Qibla. Nous avons également un seul prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à suivre. Il faut donc une langue pour comprendre cette religion. Et c'est la langue, Allah a choisi la langue arabe. Et quelle belle langue, si seulement on savait. Taïb. Donc, nous avons expliqué ici que Al-Khuluq, le comportement, c'est, les savants l'ont défini par le fait que c'est l'image intérieure de l'être humain. C'est l'image qu'a à l'intérieur l'être humain. Et que Al-Insan, la personne, a deux surahs. Surah Batina ou Surah Zahira. Il a une image qui est donc cachée. Et il a une image qui est quoi? Qui est apparente. Et cette image qui est apparente, si on le voit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé certaines personnes qui n'ont pas donc de beauté et d'autres qui sont plus ou moins beaux. Et d'autres qui sont extrêmement beaux. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc la beauté diffère et elle est relative aussi. Hein? Et c'est exactement pareil pour le khuluq. C'est-à-dire pour la surah batina, qui est le khuluq. L'image intérieure ou l'image cachée qui est le comportement. Le comportement, il y a des beaux comportements et il y a des mauvais comportements. C'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa man kana taqiyan fahuwa dha khuluqin. Fahuwa dha khuluqin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-taqwa hahuna, la piété est là, la piété est là, la piété est là. Plus cela va être beau, ton image intérieure va être belle, plus tu vas être beau extérieurement. Et wallahi, comme vous savez tous, il y a même une influence dans le bon comportement et dans la bonne foi et dans la bonne piété sur le visage. Et c'est pour ça que tu vois Ahlul Iman, wujuhuhum, yani tashruqu nuran. C'est pour ça que tu vois les gens de foi, tu vois leur visage, ils sortent de, yani il y a une lumière qui sort de leur visage. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous savez également, son visage, certains compagnons disaient qu'ils arrivaient à le voir la nuit et qu'il était plus beau que quoi? Qu'il était plus beau que le qamar. Subhanallah al-Azim. Qu'il a qu'un qita'at al-qamar. Comme il a dit, le sahab, il a dit, c'est comme si c'était un morceau de la lune. Vous imaginez le nour que dégageait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli alayhi. Donc mes frères, cette image intérieure, c'est le comportement. Ce n'est pas encore le bon comportement, on va arriver sur le bon comportement. C'est le comportement, c'est ce que tu as à l'intérieur. وهذا يجرنا الى سؤال اخر وهو هل الاخلاق جبلة ام هي بالاكتساب Et là, on a donc une question qui se pose. Est-ce que, comme Allah a créé ces êtres beaux et des fois moins beaux, est-ce que c'est la même chose pour le comportement ? La réponse, al-jawab, anna minha ma huwa yani jibilli wa minha ma huwa iktisabi. Il y a donc des comportements que tu as naturellement. Allah, des fois, a créé des personnes qui ont la patience, directement. Ils sont plus patients que d'autres. Comme Allah, il a créé aussi des personnes qui sont nerveuses. Hein? Donc, il y a des gens qui ont les comportements innés, yani naturels, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a ce qu'on appelle l'iktisabi, celui qu'on a avec le temps. Celui qu'on a avec le temps, qu'on acquiert. Comme celui qui, par exemple, est nerveux, mais avec hein, le saum et la patience, et ainsi que qira'at al-Qur'an, etc. Tu le vois, alors, quelques mois et quelques années plus tard, tu le vois de plus en plus patient. وَلَا تَدْرِي إِلَّا وَهِيَا اَيَّامِ فَتَرَاهُ ذَا خُلُقٍ. Tu le vois, donc, quelques temps passé, jusqu'à ce qu'il devienne alors quelqu'un qui a un bon comportement. Donc, al-khuluq, jibilli. Jibilli, ça veut dire quoi ? Naturel. Et il y a celui qui est iktisabi. On va prendre un petit peu des paroles en arabe. Iktisabi, c'est celui qu'on a avec le temps. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalil ou dalik ? C'est quoi la preuve de cela ? Dalil ou dalik ? وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس قال عليه الصلاة والسلام له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناء قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. La preuve de cela, c'est ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit à Al-Ashaj ibn Abd al-Qais, Abd al-Qais, عفوا. Donc, il lui dit, le prophète عليه الصلاة والسلام, إن فيك خلتين يحبهما الله. Yani, tu as deux caractéristiques, deux comportements qu'Allah il aime sur toi. Qu'Allah aime. Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu, c'est la compassion. Hein, la compassion, hein, la tendresse, la douceur. Et l'ana, c'est à peu près hein, un synonyme de cela. Al-hilmu wal-ana. Al-ana, c'est le fait de ne pas se précipiter dans les choses. Al-hilmu wal-ana. Donc, il lui a dit que le prophète sallam, il a dit que cet homme-là avait ces deux comportement. Ensuite, il dit, Ya Rasulallah, cette personne nous pose la question, ô messager d'Allah, Ana atakhallaqu bihima, am Allah jabalani bihima. Il dit alors, est-ce que c'est Allah qui m'a créé avec ces deux comportements, ou alors c'est moi qui a donc hein, eu ces comportements avec le temps par ma propre personne. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, c'est Allah qui t'a donné cela. Il lui a dit alors, c'est Allah qui t'a donné cela. C'est donc deux comportements qui sont innés, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il a loué Allah. Il a dit, Alhamdulillah, alladhi jabalani ala khullatayni yuhibbuhum Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc loué Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ces deux comportements. Et quel est donc, maintenant il y a une autre question qui se pose, c'est quoi le meilleur d'entre les deux? Est-ce que c'est un comportement, c'est quoi le meilleur d'entre les deux? Le jibilli, vous allez l'apprendre, c'est le naturel. Al-iktisabi, c'est quoi? C'est celui qu'on a hein, par soi-même. Taïb. C'est lequel le meilleur d'entre les deux? Moi je vous pose la question. Hein? Le deuxième, l'iktisabi, un naturel. Celui qui me dit dalil, il me dit pourquoi. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hein? C'est qui a dit que c'était le premier? Lui, il a dit que c'était le deuxième. Alors pourquoi tu dis que c'est le deuxième? Dis. Il s'améliore avec le temps. Donc toi tu dis que c'est l'effort qu'il fait en changeant son comportement qui fait qu'il est meilleur, ce relou, ce comportement-là, que celui qu'il a par nature, c'est ça? C'est ça que tu dis? Vous êtes tous d'accord avec lui? Hein? Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ils goulent, hein? Ils disent pourquoi? Parce que le naturel, on ne peut pas le forger. Le naturel, c'est inné. Oui. Pas le projet, même s'il a envie de changer, qu'il ne change pas. Allahu Akbar. Allahumma zidhu qu'Allah nous rajoute de la science. Il a raison. C'est lui qui a raison. Pourquoi? Parce que celui qui est inné, il ne change pas. Il n'a pas besoin de se surcharger. Il n'a pas besoin d'un jour dire ah, aujourd'hui je vais avoir un bon relou et demain je vais avoir un mauvais relou. Là, il n'a pas besoin. Le khalas, Allah lui a donné. Donc c'est forgé, c'est ancré en lui. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Hada al-khuluq, lazimu lah. Vous avez compris ça, Inch'Allah ta'ala? Tandis que l'autre, bien sûr, il a une récompense en faisant l'effort d'avoir un bon comportement. Mais la différence entre lui et l'autre, c'est quoi? C'est que celui-là, il aura toujours ce comportement parce que c'est comme un vêtement qu'il a sur lui. Tandis que l'autre, c'est un vêtement qu'il va mettre de temps en temps, il va quoi? Il va l'oublier. Et le jour où il l'oublie, il va avoir quoi? Il va avoir un mauvais comportement. Alors est-ce qu'ils sont mieux? Est-ce qu'ils sont égaux? Là. Taïb. Idem. Walakin, hallahu ajr? Bien sûr, il a l'ajr. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wallavina jahadu vina, lanahdiyannahum subulana, wa inna allaha lama'al muhsinin. Allah dit, et ceux qui font l'effort vers nous, on va les guider vers notre voie. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants. Idan, la shaka an al-jibilli akmal, liannahu la yahtaju ila mashakka, min haythu l'ujud, fahuwa la yafutuhu fi makanin wa la zaman, ala ayyi halin kan. تجده حسن الخلق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأما الخلق الذي هو بالممارسة كما قلنا فالإنسان يؤجر عليه من جهة أنه جاهد نفسه ولكنه أنقص بكثير من الأول il est vraiment bas au niveau de la récompense car il n'est pas comme le premier. وإذا رزق الإنسان جميعا طبعا وتطبعا كان ذلك أكمل. Et c'est lequel alors des meilleurs des relous? Comme on a dit, l'iktisabi et le jibilli. Mais est-ce que la personne peut avoir les deux? Est-ce que la personne peut avoir les deux? Ben oui. S'il a déjà un bon comportement, il peut l'améliorer son comportement ou pas? Il peut l'améliorer. C'est lumière sur lumière, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. ولكن هذا يجرنا إلى أن نقول الأخلاق أربع أقسام. Et ça va nous amener encore à une autre question. C'est celle de dire que les comportements se divisent en quatre. Le premier, c'est qui? C'est celui qui n'a pas trop long. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous protège de cela. C'est celui qui n'a pas de bon comportement. Man hurima husnul khuluq. Celui qui n'a pas de bon comportement. Et celui-là, c'est le pire. Celui-là, c'est le pur d'entre les quatre qu'on va citer. C'est le pire. Et celui-là, c'est la personne qui est dure, qui est mauvaise envers les autres, qui fait le mal, qui, tout le temps, il a les yeux comme ça, qui fronce. Abous, akada. Il n'a jamais le sourire dans le visage. Celui-là, en vérité, il reflète ce qu'il a dans son âme. C'est quoi? C'est qu'il a un malaise dans son âme. Andoro, il a le kuffar. Regardez les kuffar. Vous avez vu leur visage, comment ils sont stressés? Lama yadkhuluna ila l'islam, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, vous avez vu comment leur visage, il change? Pourquoi? Halas. Suratuhu al-batina, son image intérieure cachée, elle a changé. Vous avez compris? Vous avez compris ça, inshallah? Taïb, taïb, taïb. Et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, ذَكَرَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. الله سبحانه وتعالى dit au prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, si tu étais dur de cœur et de comportement, ils se seraient écartés de toi. Regardez la personne qui est dure, t'as peur de lui. صح? La personne qui est dure, t'as pas envie de te rapprocher de lui. Tu dis, Allah يستر ويحفظ هذا. Elle va me faire des problèmes. صح? Hein? Vous voyez la différence entre quelqu'un qui est doux, qui t'accepte, et quelqu'un qui a un bon comportement, et quelqu'un qui a un mauvais comportement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle les bienfaits au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu étais dur de cœur et de comportement, il se serait écarté de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es doux, tu comprends la compréhension? Contraire. Ça veut dire que si tu es doux et que tu as un cœur doux, rempli de tendresse et de compassion, là c'est le contraire, les gens ils viennent vers toi. Et combien de gens ont été attirés par quoi? Par le bon comportement. Combien de gens, comme Minanas, hein? Combien de gens ont été attirés par le bon comportement de la personne? Quelqu'un qui a un bon comportement, mes frères, ils sont bons. Qu'est-ce que je veux dire par ils sont bons? Est-ce qu'il met du parfum? Non, ça veut dire que les gens ils viennent vers lui. Il dit, ils aiment bien le voir, ils aiment bien parler avec lui, ils aiment bien s'asseoir avec lui. Et quand ils ont un problème, ils s'assoient avec lui. Et lui, il les écoute. Et lui, il parle avec lui. Taïf. Donc ça, c'est le premier, c'est celui qui n'a pas trop de problèmes. Nas'alallah al-afiyah, qu'Allah nous protège de ça, d'avoir un mauvais comportement. Le deuxième, c'est celui qui a eu un bon comportement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin iqtasara ala dhalik. Mais il s'arrête sur cela, il ne va pas plus loin. Même tout. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la patience. Il s'arrête sur ça. Il s'arrête, yani, il ne rajoute pas la tendresse, il ne rajoute pas des autres bons comportements. Vous avez compris, inshallah? Donc, hein, il s'arrête sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Le troisième, c'est celui qu'Allah a donné un bon comportement. Et lui, il fait quoi? Et il rajoute. Quoi? Le bon comportement. Il rajoute des autres bons comportements. Exemple, une personne qui donc est patiente. Mais d'habitude, il regarde mal un peu les gens. Il est un peu stressé, on va dire. Il a du mal à quoi surtout. D'accord? Celui-là, mais il a la patience. Quand il lui arrive quelque chose, il patiente. Quand son père l'écrit dessus, il patiente. Quand il lui arrive une épreuve, il patiente. Dans tous les cas, il patiente. Voilà qui. Il a du mal à sourire. Celui-là, Allah il m'a donné la patience, mais il a du mal à sourire. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il voit un jour un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui rappelle le bienfait de quoi? De sourire. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute ce comportement. Zed. Il a rajouté. Et alors il se met à sourire avec tout le monde. Hada. Zad fil khir ou la mazad. Il a rajouté dans le bien ou il n'a pas rajouté? Il a rajouté. Et hada, c'est le meilleur d'entre les quatre. C'est celui qu'Allah il a donné un bon comportement et qu'est-ce qu'il fait? Pour remercier Allah, il rajoute toujours des bons relours, des bons relours. Et le quatrième, c'est celui qui n'a pas eu de bon comportement, mais qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'en avoir et qui s'exerce, on va dire, ou plutôt, qui s'exerce à avoir un bon comportement avec les gens. Idem, arba, qui c'est qui me résume? Arba, on les a dit, les quatre. C'est pas nous, on parle, après, voilà, khalas, yukhruj, voilà, chez. Il y en a, ils ont des feuilles, mashallah, avec des stylos, ils retiennent. Moi aussi, j'ai les feuilles et les stylos. Hein? Taïb, et vous? S'il y en a, ils ont des bonnes mémoires. Taïb, le premier. Hein? Ah, c'est lui qui n'a pas de comportement. Hein? Il l'a retenu. Qu'Allah, il nous protège. Taïb, le deuxième. Hein? Je vais tout répondre, le khalas. Vas-y. Celui-là qui a un bon comportement. Et qui rajoute. Et celui-là, comment il est celui-là? C'est le meilleur ou pas celui-là? Bah, on m'a dit que c'était le meilleur. Le troisième, hein, c'est celui qui a un bon comportement, mais il s'arrête dessus. Hein? Et le quatrième, c'est lequel? Toi, là. Oh, je te vois bien. Non, non, derrière. C'est lequel? On vient de le citer. Non, on va citer celui-là. Celui qui en a. Voilà, et qui essaie de l'avoir. Voilà, il essaie de rajouter. En fait, c'est comme s'il était nu, il n'avait pas de traitement, et il essaie de boire, de s'habiller. طيب نسأل الله من فضله فهذه خلاصة ما ذكر في هذا الباب واعلموا أيها الإخوة أن هذه الشريعة كاملة لأن الله اختارها اختار لها أفضل البشر ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم جاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة بتمام مكارم الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم بشهادة الله تعالى والذي شهد له كفار قريش الذين قالوا فيه بعدما قالوا وبعدما فعلوا ما فعلوا فيه وبعدما حاربوا قالوا حاربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه فتأمل هذا وسنذكر مثالا لذلك. Mes frères, sachez que notre sharia, notre loi, contrairement à ce que des gens pensent, la loi islamique, c'est une loi qui est parfaite. Et la loi islamique, pourquoi? Parce qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment que les kuffars, tous les jours, ils changent quoi? Ils changent les qanouns, ils changent les lois. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas parfaite. La nôtre, elle est parfaite. Kitab Allah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on dit qu'elle est parfaite, elle est parfaite car elle est venue avec aussi les meilleurs des comportements. Ça, elle est venue avec les meilleurs des comportements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été choisi par qui? Par Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Muhammad? Qu'est-ce que ça veut dire Muhammad? Vous savez pas ce que ça veut dire Muhammad? Hein? Même en français? Non. Le louer. Le louer. Qu'est-ce que ça veut dire le louer? Ça veut dire. Pourquoi quand tu loues une personne, ça veut dire quoi? Quand tu la loues? Tu remercies pourquoi? Parce qu'il a des. Hein? Il a des qualités. Il a des bons comportements. Ça veut dire regardez. Même le nom qu'il a choisi Allah subhanahu wa ta'ala pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des noms. Muhammad. C'est-à-dire le loué, celui qui est digne de louange, celui que tu peux Ahmed. Taqul wallahi hada fa'ala fi'lan hamida. Celui-là, il a fait un acte, mais qui est digne d'être quoi? Qui est digne d'être remercié et qui est digne d'être loué. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, celui qui a créé les cieux et la terre. Il témoigne que le prophète envoyé, qu'il a envoyé, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le Coran, dans un verset qui sera jusqu'à Yawm al-Qiyamah, ce verset-là c'est « Innaka ala wa innaka la'ala khuluqin adhim » Tu es certes sur un bon comportement. Tu as un bon comportement. C'est qui dit ça? C'est Allah, sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Quraysh, ceux qui ont fait la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont fait le mal et qui l'ont combattu et qui l'ont sorti de Mecca, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste lorsqu'il est sorti de Mecca, il dit si c'était pas ton peuple, en sortant de Mecca, il dit si c'était pas ton peuple qui m'avait sorti, je ne serais pas sorti. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur faisait da'wah, il est resté 13 ans à leur faire, hein, à les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent ces mujrimines, ces criminels, hein, qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent حاربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم nous a fait la guerre avec moi, avec son bon côté. Allah. Le prophète, regardez qu'est-ce qu'ils disent les kuffar. بشهادة الكفار. Avec le témoignage de qui? Des pires des créatures. Ils disent que le prophète صلى الله عليه وسلم leur a fait la guerre. Ils disent que le prophète صلى الله عليه وسلم leur a fait la guerre avec quoi? Avec son bon comportement. Il le chassait, il leur pardonnait. Il lui jetait des pierres, il disait Allah marfaillait comme il fait une plaie. Allah pardonne à mon peuple, ben ils ne savent pas. Subhanallah. Ils l'ont fait hein, saigner, ils l'ont fait couler le sang, alayhi salatu wa salam, le meilleur des envoyés, hein, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures. ولكن كان يعفو ويصفح. Mais il pardonne. Et il pardonne. Et regardez juste un moment que je vais vous raconter, qui était le moment de Fath. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons pendant des années vers le Madina, après qu'il soit sorti de Mecca, la première chose, ou la dernière chose plutôt qu'il a fait, c'était quoi? Fath Mecca, l'ouverture de Mecca. Il est arrivé là-bas avec les meilleurs des compagnons, 10 000 hommes qu'ils étaient prêts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un signe de tête, khalas. Celui qui était devant lui, yawayo, malheur à lui. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre avec un bon comportement, puis Mecca. Ils ne rentrent pas comme rentrent les tyrans lorsqu'ils ont gagné une guerre. Qu'est-ce qu'ils font les tyrans quand ils rentrent avec une guerre? Ils lèvent la tête. C'est moi qui ai fait tout ça. Et tu vois alors, hein, toi, viens ici. Hein, qu'est-ce que tu avais toi là derrière la porte? Viens, viens. Hop, la tête, il l'a. Et il lui coupe sa tête. Etc. etc. Vous savez ça. Vous savez que les plus grands des guerriers, hein, jamais, hein, on sait, on connaît leur holoc, on connaît leur comportement. Hein? On ne va pas les citer ici. Le prophète, alayhi salatu salam, il rentre dans Mecca. Il rentre dans Masjid al-Haram. Et comment qu'il rentre? Il rentre en baissant la tête. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, ils ont vu ça, et ils ont dit ça, c'est l'envoyé d'Allah. C'est pas possible. Regardez juste avec son comportement. Ils ont dit ça, c'est l'envoyé d'Allah. C'est pas possible. Juste en baissant la tête. Pourquoi? Parce que, alayhi salatu wassalam, il montrait le comportement, il montrait qu'en vérité, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, hein, il le remercie par cette modestie-là. Il le remercie par, na'am, par cette modestie-là. Alors qu'il pouvait, c'est un moment de fierté, c'est un moment de gloire. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur des comportements. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. Sallallahu alayhi wa sallam. Il se dirige vers le Kaaba. Il sort les statues. Il les casse une par une. Sallallahu alayhi wa sallam. Il les casse une par une. Et il disait, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Et certes, il est venu la vérité. Et certes, est venu la vérité. Et aujourd'hui, le fond n'a plus de place. Et le faux part en vain. Et attendez, c'est pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre encore son bon comportement. Ils viennent, les diables, ils lui disent, ils le regardent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable de les tuer. Il est capable de faire ce qu'il veut sur eux. Khalas, ils sont encerclés. Qu'est-ce qu'il leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Ara'aytu ma inni fa'ilun bikum al-yawm. Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui je pars d'eux? Et là, tu les vois en train de pleurer. Hein, certains miauler, hein, pleurer. Et tu les vois, ils disent, Antel Karim, Wabnul Karim, Wabnul Karim. Tu es le généreux, fils d'un généreux et fils d'un généreux. Ah, là, ils n'avaient plus rien à faire. Il ne pouvait plus se sauver là. Khalas. Et tu lui vois, il pleure. Et qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, comment il réagit? Il dit, il les regarde, il dit, Idhabu antum tulaqa. Partez, vous êtes libres. Ils ont insulté sa femme, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait du mal. Jour et nuit. Regardez comment, après des années de guerre, et c'était des années de guerre, il ne fallait voir, les Arabes, c'était des durs. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Idhabu antum tulaqa, partez, vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Et je veux vous dire, comme Youssouf a dit à ses frères, la tatrib alaykum al-yawm. Hein? Khalas, pas de mal que je veux vous faire aujourd'hui. Khalas, je vous ai pardonné. Ça, si ça nous montre quelque chose, ça nous montre que la charia, elle est venue avec le meilleur des hommes. Allah a amené le meilleur des hommes qui est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez comment, hein, a réagi le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son ennemi. Wa idhan narji' fa naqul in hadhihi ash-shari'a kamila la siyama fi al-akhlaq al-fadila ala sabil al-mithal kama qulna fi al-qisas. Al-qisas. Alors sachez mes frères que nous avons dit que cette loi est parfaite et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama bu'ithtu li utammima Makarim al-akhlaq, je suis venu afin de compléter le bon comportement, les bons comportements. Et il y avait dans les charia qui étaient avant nous, dans les législations qui étaient avant nous, celle des Yahoud et celle des Nassar. Celle des Yahoud, le qisas, la loi du talion. Est-ce que vous connaissez la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un, t'as compris? Quelqu'un t'enlève ton œil, tu lui enlèves son œil. Quelqu'un, il meurt, hein, quelqu'un se fait tuer, l'autre également se fait quoi? Il se fait tuer. C'est la loi du talion. Al-nafs bil-nafs, wal-ayn bil-ayn, na'am. Wal-anfa bil-anf, wal-udhuna bil-udhun, voyez? Wal-sinna bil-sin, wal-jurou al-qisas. Même les blessures. Quelqu'un t'a blessé comme ça, et t'a ouvert le bras comme ça, dans la loi, tu vois le blessé comme ça. Et tu viens devant le juge et il te blesse. Quelqu'un t'a coupé la main, sa main aussi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est la loi du talion. Chez les Yahoud, la loi du talion, c'était obligatoire. Vous avez compris? C'était obligatoire. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le choix. Khalas, celui qui a fait ça, direct. Œil pour œil, dent pour dent. Et jusqu'à maintenant, c'est connu chez eux. Ils le disent. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est écrit dans le Taurat. C'est écrit dans quoi? Dans le Taurat. Et Al-Nasara, c'était le contraire. Al-Nasara, ils sont venus après les Yahoud, ça? Ils sont venus après. Al-Nasara, c'était le contraire. Al-Wajib alayhim, ce qui est obligatoire, c'est qu'ils pardonnent. C'est pour ça qu'on voit plus d'amour chez qui? Chez les Nasara. D'accord? Alors, Nasara, la loi du talion, tu les vois alors, ils sont obligés de pardonner. D'où ces paroles-là qui disent hein, que si tu te fais frapper, tu dois obligatoirement quoi? Pardonner. Notre sharia, la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec quoi? Les deux. Si tu veux, tu pardonnes. Pourquoi? Parce que dans le pardon, il y a un ihsan, il y a une bienfaisance. Et si tu veux, tu fais quoi? Tu prends ton haq. Tu prends quoi? Tu prends ton haq, ton droit. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui méritent qu'on prenne le haq. Pourquoi? Parce que sinon, il va continuer à faire quoi? Le charge. Vous avez compris? Il va continuer à faire le mal. Donc, notre sharia, par la perfection qu'Allah lui a donnée, hein, il a donné le choix. Khayyarat baynal amrein. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ça prouve que notre sharia, notre loi, elle est parfaite. Walhamdulillahi ala dhalik. Et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. حسن الخلق لا يقتصر إلى معاملة الخلق بل هو معاملة الخالق أيضا وصاحب الخلق العظيم هو محسن. Sachez mes frères que le bon comportement il ne s'arrête pas aux gens. Le bon comportement, il y a le bon comportement avec qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le bon comportement avec les gens. Plus tu te comportes bien avec ton Seigneur, plus tu te comporteras bien avec qui? Avec les gens. Sachez donc que celui qui a un bon comportement, il est en arabe ce qu'on appelle muhsin. Il est bienfaisant. Et vous savez tous, vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on lui a demandé de dire qu'est-ce que l'ihsan? Mais l'islam, قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. Ça c'est l'islam. ما الإيمان؟ أخي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب. ما الإحسان؟ إيه la درجة la plus haute de tout cela. ما الإحسان؟ C'est quoi l'إحسان؟ C'est quoi la bienfaisance؟ Il me dit أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il te voyait. Et si tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Et regardez, on a connu donc des personnes qui avaient un comportement exemplaire. Regardez par exemple les savants. Les savants, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Et s'il y a une parole yani, qu'on peut dire sur les savants, c'est qu'ils sont muhsinoun, qu'ils sont les bienfaisants. C'est eux les vrais bienfaisants. Et par la grâce d'Allah, j'ai connu Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Sachez mes frères que les compagnons, je vais revenir à Cheikh Al-Uthaymin, que les compagnons disaient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Ma ra'at a'yunina mithlah » Nos yeux n'ont jamais vu un être pareil. Comment qu'il était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 10 ans, il était avec Anas. Il ne lui a jamais dit pourquoi tu as fait ça comme ça et pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça. Et c'était son serviteur Anas. Il patientait. Un jour, il y a même eu un problème avec ses femmes. Il y en a une qui a cassé, comment dire, cassé un récipient par colère. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Alors, il y a un petit. Viens à toi, Allah, tu ramasses. Kassari, hein, c'est toi qui l'achètes avec ton argent, etc. etc. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a cassé le récipient, il s'est levé et il l'a nettoyé. Allez, salat. Les petites filles de Médine, elles le prenaient par les doigts. Elle dit, viens, Ya Rasulullah, par là. Et la l'autre qui le tirait, elle dit, non, non, non, viens par là, Ya Rasulullah. Et il est suivi. Sallallahu alayhi wa sallam. On lui a jamais demandé une chose, alayhi salat wa salam, et il répondit pas, non, non, je peux pas aujourd'hui. Ahna, mon frère, il faut t'halbel. T'arrives, téléphone, à l'avance. Mon frère, est-ce que demain tu peux faire ça, s'il te plaît, ta. Tu creuses jusqu'à qu'il te rende de service. Allah musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non. Jamais dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, et qu'est-ce qu'il voit? Il dit à Aïcha, hal min ta'am, est-ce qu'il y a à manger? Est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'elle répond? Là, il n'y a rien à manger. Il dit, idhan ana sa'im. Donc, je jeûne. Il lui dit, rouhi dir ta'am. Il lui dit, va, khalas, va faire à manger. Comme nous, on l'aurait fait. Comment? Moi, je ramène les courses. Ma carte bleue, je la vide. Hein? Je ramène ça. Je ramène des caddies. Et tu me dis aujourd'hui, mais quand je le mec là? Tu me dis aujourd'hui, il n'y a pas à manger? Non. Eh ma fille, faut que tu travailles. Hein. Ah, si tu veux l'obéissance de ton mari, le paradis, etc., faut que tu travailles. Là, regardez ce qu'il a fait le professeur. Ma kana yukallimu nisa'a, alayhi salatu wassalam. Il ne chargeait pas ses femmes, plus qu'elles ne pouvaient. Sallallahu alayhi wa sallam. Il venait alors, alayhi salatu wassalam, il y a à manger, il n'y a pas à manger, khalas. Tu l'as déjà fait, toi, yahi? Toi, tu fais le fond, toi, tu dis, c'est quoi cette femme que j'ai? Sah, tu sors et tu. Quand je dis tu, c'est moi aussi, hein. On se met dedans. Mais nous, Inch'Allah, avec le temps, hein, on essaye de s'éduquer, bien sûr. Hein? Car le meilleur des comportements, c'est le prophète. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Alors, mes frères, je reviens. Et je dis, les compagnons, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu comme le prophète. Et moi, je vous dis, j'ai jamais vu comme Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah. Je vous dis que je n'ai jamais vu un homme doté d'un aussi bon comportement. Wallahi, je ne l'ai jamais vu s'énerver devant moi. Et je le voyais lorsqu'il y avait quelqu'un qui faisait ça comme ça avec sa barbe. Laisse-la barbe. Parce qu'il y avait des gens, ils tripotent leur barbe comme ça pendant le cours. Une femme un jour, elle est venue et elle a commencé à le questionner par derrière. J'ai vu son visage, il a fait comme ça. Il s'est baissé comme ça. Il n'a pas voulu la voir. Allez, rahmatullah. Il se levait, lorsqu'il se levait, il avait un grand sourire comme ça. Et les gens, ils se battaient pour l'embrasser, pour le serrer la main. Alhamdulillah, on est venu, on s'approchait difficilement pour le serrer la main et pour l'embrasser. Parce qu'il y avait des misri, des costauds, hein, des égyptiens, qui ne laissaient pas passer, hein, et qui voulaient l'embrasser. Et subhanallah, l'alim, tu le voyais marcher tout doucement. Et regarder comme ça, les gens en souriant. Allez, rahmatullah. Des gens qui ont juste lu des hadiths et qui les ont pratiqués. Et toi, c'est pas possible ça sur toi? Wallahi, c'est possible. Voilà qu'il y a une bid'a, biqiyam al-layl aussi, en priant la nuit. Hein? C'est avec cela, Inch'Allah, que tu vas voir ces comportements. Alors, sachez mes frères, que ça, c'est juste des gens qui ont été influencés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers les écrits. Alors, que dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Sallallahu alayhi wa sallam, Allah sallallahu alayhi wa sallam, man sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, a prié sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on a dit, al-ihsan, an ta'bud Allah ka annaka tara. Est-ce que quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, comme si il le voyait, et que s'il ne le voit pas, lui Allah il le voit, est-ce qu'il va avoir de la pudeur? Eh na'am, il va avoir de la pudeur. Ça, il va avoir de la pudeur. Il va éviter de dire des mauvaises paroles. Il va éviter de regarder dans le haram. Il va éviter d'écouter le haram. Il va éviter d'aller vers le haram, même avec ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. Toi, devant un savant, regarde ton comportement, comment il change. Ça. Quand il y a un savant qui vient, généralement, qui vient nous visiter, alhamdoulilah, tout de suite tu vois les frères, ils sont tous sages. comme des petits lapins tout mignons. Hein? Oh, ça me rappelle des histoires, ça me rappelle ça. Tu les vois, ils sont tout mignons. Et dès qu'ils sortent, ouais, mais t'as vu, mais là, celui qui t'a vu de loin, toi, t'stahi, un même chef, ou même chef, tu as honte devant un savant de parmi les mâchefs, mais tu n'as pas honte devant qui? Allah qui te voit. C'est pas des hadiths. C'est des hadiths qu'il faut pratiquer, mettre en pratique, mon frère. Taïm. Autre chose aussi, mes frères, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith, yani le prophète nous dit dans un hadith, et nous donne l'importance de Surah al-Batina, cette image qui est cachée, c'est ce hadith où, Allah, où le prophète dit Inna Allah, la yanduru ila suwarikum. ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى كما نص الحديث الله سبحانه وتعالى ne regarde pas nos corps et ne regarde pas nos images ou nos visages, mais il regarde quoi? Nos cœurs. Mais suivez bien, pas que le cœur, ainsi que les actes. Parce qu'il y a des gens qui disent al-iman fi al-qalb. Al-Iman fil gal, la foi elle est dans le cœur. Moi j'ai pas besoin de te prouver ça avec des œuvres. Subhanallah. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait? Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait? Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des œuvres? Toi tu dis non, moi j'ai pas besoin de prouver, moi la foi elle est dans le cœur. Oui, la foi elle est dans le cœur, mais elle est dans les actes, dans l'amal. Illa alladhina amanu wa amilu salih. Donc il faut les œuvres, mes frères. Et plus tu as des œuvres, plus tu as un bon comportement. Plus tu as, plus tu as un bon comportement. Sachez, mes frères, que celui que le bon comportement, le bon comportement, les savants ont dit qu'il y a trois choses dans le bon comportement à avoir. Et pour avoir un bon comportement avec qui? Avec le Créateur, parce qu'on commence d'abord par celui-là. Hein? Et après, on parlera de quoi? On parlera du bon comportement avec qui? Avec les gens. Mais d'abord avec le Créateur. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'il y a trois choses à voir. La première, annaka tatalaqa akhbar Allah wa an-nusus bit-tasdiq. La première des choses, c'est que le premier des bons comportements qu'il faut que tu aies avec ton Seigneur, c'est que quand tu vois les textes, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala as-sahaba, lorsque tu vois les textes, tu fais quoi? Saddaq. Tu saddaq, ça veut dire quoi? Tu y crois fermement. Tu y crois fermement. Tu ne dis pas, Wallahi, ce hadith, il faut voir. Wallahi, Allah, Oudou Billah. Ou alors tu dis ce verset, Wallahi, ce verset, Ya'ni, Astaghfirullah al-Azim. Ce verset, si tu dis juste qu'un seul harf, tu renies une seule lettre du Coran, tu es sorti de l'islam, Ya'ni. Tu renies une seule lettre de l'islam, une seule lettre du Coran, khalas, tu sors de l'islam, Ya'ni. Pourquoi? Parce que là, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah il a descendu ce dhikr, ce rappel, et c'est lui qui va le préserver. Donc le Coran il est préservé. Pourquoi alors venir comme aujourd'hui des gens viennent et ils disent tel verset, non mais Allah il faut voir hein, s'il est vrai. C'est grave ça. Le Coran n'est pas très neuf, monsieur. Il n'y a pas de divergence. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter avec véracité le texte. Ça veut dire dès que tu lis, tu dis. Sami'na wesh. Nous avons entendu, nous avons obéi. La deuxième chose qu'il faut avoir pour avoir un bon comportement avec son Seigneur, huwa annaka tatalaqa ahkamahu bit-tatbiq. Yani que tu acceptes les règles que l'islam te donne. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ô vous qui avez cru, rentrer dans l'islam à plein dedans. Yani, est-ce que il t'est autorisé toi de dire Wallahi, je vais pratiquer ça mais je ne vais pas pratiquer ça? Non Yahi, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. L'islam c'est un tout. Tu as compris? Après de faire ce que tu peux, oui, ça c'est autre chose. Fattaqullah, mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Walakin. Est-ce que l'islam c'est un tout? Oui, c'est un tout. Donc tu dois accepter ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné ça, khalas. Si Allah t'a ordonné ça, ça va, khalas. Tu n'attaches pas. Tu ne discutes pas. Tu n'as pas le choix. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار تو امره ان appartient pas un croyant une croyance نعم ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا كسي الله سبحانه وتعالى دون ان اورد شو بروفيت d'avoir le choix non il t'appartient pas ça si tu as foi en Allah tu fais quoi tout de suite tu pratiques Allah t'a dit fais pas cette chose là écoute pas de la musique ne prends pas de la drogue. Ne fais pas ça. Khalas, tu suis. Tu dis pas, mais j'ai le droit, mais non. Oui, mais une fatwa. Oui, des fatwas, tu vas retrouver tous les. Il y a des shayatins qui donnent des fatwas. Oui, il y a des diables qui donnent tous les jours des fatwas et qui disent, oui, ça c'est interdit, ça c'est permis. Et ils te permettent, non, toi tu dois chercher le haqq. Tu dois chercher qu'Allah, qu'Al Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est la deuxième chose pour avoir le bon comportement avec ton Seigneur. La troisième des choses, c'est que tu acceptes le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu acceptes quoi? Le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens n'acceptent pas le destin d'Allah. Son père il meurt. Ah pourquoi moi je suis dans cette vie là, c'est quoi ça? Ça c'est grave mon frère. Ou alors tu le vois, il pleure, il charpe le genou, il déchire ses poches et ses vêtements. Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais pourquoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بعد الآيات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم afin de vous éprouver أيكم أحسن عملا afin de voir qui c'est le meilleur d'entre vous dans les œuvres. Donc toi quand tu vas patienter sur le décret d'Allah, sur la décision d'Allah, là tu as suivi qui? Tu as accepté et tu as suivi Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Donc tu dois absolument avoir ces trois choses, mon frère. Tu dois avoir le tasdiq, tu dois avoir le tadbir, et tu dois avoir quoi? As-sabr, wal-ridha bi-hikam ou bi-qadarillahi jalla wa ala. Pourquoi tasdiq? Comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah nous dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَسَى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'y a pas plus véridique que sa parole. Dans le Coran, dans Surat al-Nisa. Donc si tu sais que sa parole est vérité, tu dois faire quoi? Tu dois la pratiquer, tu dois la mettre en pratique. وَعَلَى هَذَا فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِنسَانِ يَكُونُ وَاثِقًا بِالنُّصُوصِ وَمُدَافِعًا عَنْهَا وَمُجَاهَدًا بِهَا. Mes frères, il faut absolument que la personne soit fière d'être de cette religion. Et il faut aussi qu'il ait une ferme croyance dans les textes. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens aujourd'hui qu'à la moindre parole d'un tel ou d'un tel, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais peut-être qu'il a raison. Al-kafir hada, le hadou, l'ennemi d'Islam, il vient et dit, ouais, mais votre hadith, là, il n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, mais peut-être qu'il a raison. Ça, c'est grave, mon frère. Ça, c'est grave. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dit sur le prophète, wa ma yantiqu anil hawa. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Mais c'est une personne à qui nous avons donné la révélation et qui l'a révélée. Donc tu ne dois pas avoir de doute sur cela. Et tu ne dois pas naqash, c'est-à-dire débattre sur cela. Et là, je vais vous donner un exemple. Avec celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ يَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que s'il y a une mouche qui se pose sur l'autre verre et qui tombe sur le verre, c'est-à-dire sur la surface de la boisson dans laquelle tu vas boire. Il te dit, le prophète alayhi wa sallam, il te donne l'ordre de faire quoi? De tremper la mouche et de la ressortir. Et ensuite de la jeter. Pourquoi? Parce que dans une aile, il y a un poison et dans l'autre, il y a quoi? Il y a sa guérison. Donc s'il y a une de ces ailes qui a pris le poison, forcément l'autre, elle a la guérison. Et qu'il ne faut pas donc laisser cela comme ça. Aujourd'hui, tu vois des gens qui font quoi? Ils disent, voilà, ce hadith, attends, on va regarder. Avec les machines, là, comment on appelle ça, là? Microscope, ouais, machallah, pour regarder s'il y a des microbes, s'il y a des choses, s'il y a des trucs. Le prophète, il te l'a dit. Pourquoi tu cherches à savoir? Toi, tu crois au prophète. Des fois, vous savez une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste aussi avec ça. Il nous teste aussi avec ça. Est-ce que tu crois vraiment au prophète? Il l'a dit, trempe la mouche, jette la khlas. Pourquoi? Parce que c'est khatir. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Les gens qui tout le temps discutent, discutent les gens. Et donc, ça, il y a même des gens qui sortent de l'islam. Il y a même des gens qui sortent de l'islam. Il y a quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, qui est connu, même des médias. Il suit la religion, etc. Ce hadith, il est dans le Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je prends ce hadith d'un pharmacien, mais je ne le prends pas du prophète. Il dit ça, astaghfirullah. Il est sorti de l'islam. Pourquoi? Comment tu n'acceptes pas le hadith? Il est dans le Bukhari. Et tu dis, je l'accepte d'un pharmacien et pas du prophète. Donc, mes frères, il faut faire très attention à cela. Nous, on ne connaît pas le ghaïb. Et le professeur Salim ne connaît pas le ghaïb également. Mais en tout cas, tout ce qui nous a informé, on doit tout de suite là, l'accepter. Une autre chose également, un autre exemple. Le prophète Salim nous dit que Yom al-Qiyamah, Hashem stadnou. Elle se rapproche de nous. D'accord? Jusqu'à ce qu'il y ait un mille. Un mille, c'est à peu près combien? Mille. Oh, ça fait un. Un kilomètre, 300. Il nous dit il nous dit que le soleil va s'approcher de nous jusqu'à ce qu'on soit très proche d'un mille ou de deux. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Wallahi, nous, dans le dunya, le soleil, on sait que s'il se rapproche un tout petit peu, il brûle tout. Regardez là comment on met tout de suite les rideaux, juste parce que le soleil, hein, il nous envoie ses rayons. On est là, tout de suite, on dit, dans cette dunya, si il se rapproche, on va tous brûler. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va dire, non, mais fait l'akhirah, ça c'est pas possible, dans l'au-delà, ça c'est pas possible. Yom al-Qiyamah, c'est pas possible. Est-ce que Yom al-Qiyamah, c'est la même chose que le dunya? C'est pas la même chose. Déjà, tu vas rester debout pendant combien de temps? 50 000 ans. Le soleil va cesser de se rapprocher. Jazakallah khair, Allah bénisse. Khalil, Ali, khalil. C'est bon. Barakallah. Toujours les anciens pour nous servir. Hein? Pourquoi c'est pas les jeunes? Hein, les jeunes? Toujours les anciens. Allah Mustafa. Donc mes frères, on revient sur ce texte-là. Hashem Stadnou. Est-ce que maintenant nous on peut répondre à cela? On dit, est-ce que le soleil, de Yom al-Qiyamah, est-ce que déjà, c'est la même chose, c'est la même situation? Est-ce qu'on peut donner les mêmes caractéristiques dans cette dunya que dans l'akhirah? Non. Pourquoi? Parce que tu vas te lever déjà pendant combien de temps? 50 000 ans, mes frères. Alhamdulillah, pour celui qui a la foi, il y a un hadith, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça sera comme entre l'Asr et le Maghrib. Entre Dhuhr et l'Asr. Peut-être que j'ai vu une autre version là. Entre Dhuhr et l'Asr. C'est encore mieux là. Entre Dhuhr et l'Asr. Mashallah. Entre Dhuhr et l'Asr. Un hadith qu'il est rapporté par le Hakim, si je me souviens. Pour le croyant, ça sera facile. Hasibou, Hisaban, Yassira. Mais pour celui qui a fait ce qu'il a fait, celui-là il va être dur, 50 000 ans. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, non, là, tout de suite tu acceptes donc ces textes-là. Autre chose également, mes frères, à savoir une akhira, ou plutôt à connaître dans Al-Khuluq, c'est qu'il faut absolument pratiquer. Il n'y a pas longtemps, on a fait quoi? On a fait Siyam. Siyam, c'est dur. Al-Haq, c'est dur. Ça va être encore plus dur quand? Dans les prochaines. Et de plus en plus dur, de plus en plus dur. Et le plus dur, ça va être quand? Ça va être en mois de juin. C'est-à-dire dans à peu près 4, 5 ans. Ah, il y en a, il a déjà compté. Harbat Selmec, je vais au bled. Ramas. Il y en a, je vais déjà compté. Ça va être de plus en plus dur. Est-ce que nous, le siyam, regardez le siyam. Est-ce que le siyam, Allah nous a ordonné de faire le siyam. Est-ce que c'est dur pour nous, siyam? C'est dur, on ne peut pas dire que c'est pas dur. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer cette difficulté? On n'a pas le droit. On a le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mes frères, il faut bien que vous vous concentrez sur ça. Le siyam en lui-même, on n'a pas le droit de le détester. D'accord? On n'a pas le droit de détester quoi? Le siyam en lui-même. Voilà que s'il y a des choses dedans, comme la chaleur, comme la soif, comme la difficulté, ça ton nefs il le déteste, et ça c'est obligé. tu n'as pas le choix. Tu es obligé de détester ça. Vous avez compris? Allah dit Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Vous avez été prescrit quoi? Le combat, mais il est quelque chose de détestable pour vous. Ça veut dire que chaque adoration, elle a quoi? Il y a quelque chose de détestable autour. Mais pas l'adoration elle-même. L'adoration elle-même, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer et tu ne dois pas la détester. Parce que si tu la détestes, kafarte. Si tu la détestes, tu es sorti de l'islam. Je déteste salat, kafarte. Je déteste siyam, kafarte. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُ. Vous avez compris? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. C'est parce que ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, alors Allah a descendu leur sort. Tu ne dois pas détester ce qu'Allah a descendu ou ce qu'Allah a révélé. Mais maintenant, s'il y a des choses autour de cela qui sont difficiles pour toi et que tu détestes, c'est normal. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Regardez par exemple Al-Jannah. Al-Nar. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Le paradis, il a été entouré de quoi? De choses détestables. Ah, vas-y, c'est l'heure de salat. Ah, faut que j'y aille. Non, salat, tu dois l'aimer. Mais, ah, j'aimerais bien aller avec mon ami là. J'aimerais bien sortir là. Salat, khalas. D'accord? Mais l'amour de ton ami, c'est pas. Oui, si tu l'as devancé à ça, là, c'est bien. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, les choses qui sont détestables autour des adorations, ça, on n'a pas le choix. Et c'est comme ça. Et c'est ça la soumission. Elle est là la soumission. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, il ne faut pas tout mélanger dans cette question-là. Par contre, sachez mes frères, que celui qui déteste la prière, c'est grave. Et celui qui trouve la prière qui est lourde, c'est encore plus grave. C'est plus grave encore. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que dans un hadith, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. صلاة العشاء و صلاة الفجر. Les munafiqin, les hypocrites, ceux qui cachaient le coufre dans leur cœur, que waqt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on les reconnaissait à ça. Ils ne venaient pas quand? Ils ne venaient pas l'isha, ils ne venaient pas le fajr. Donc mes frères, faites attention à cela. La salat, tu dois aimer accomplir cette prière-là. Et tu dois tout faire pour le faire. Et tu dois pratiquer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné cela, et regardez encore un autre, un verset qui le prouve, c'est la parole d'Allah, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Regardez, suivez bien ce verset. Implore et implorez aide avec la patience et avec la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Elle est lourde, elle est grande, sauf pour qui? Pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'elle est lourde pour qui? Pour quelqu'un qui a une maladie dans le cœur. Pour quelqu'un qui a mal accepté l'islam. Oui, elle est lourde pour lui. Mais quelqu'un qui a bien accepté l'islam, et que son cœur, il est joyeux quand il va aller à la prière, et que quand il a raté la prière, il est triste, ça, sache mon frère, quand tu as raté la prière et que tu es triste de l'avoir raté, c'est un signe de foi sur toi. C'est un signe de foi sur toi et tu dois être content, tu dois être heureux. Tu dois te dire, alhamdoulilah, que j'ai ça dans le cœur. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Regardez celui qui loupe la jama'a. Un jour, on a loupé la jama'a, j'étais avec un frère, et on a loupé la jama'a. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, regarde, tu vois cette prière? On ne l'aura jamais. C'est vrai. T'as loupé la jama'a, khalas. Allahu Akbar. Donc, mes frères, sachez que le bon comportement, comme on a dit, c'est l'acceptation des textes, le bon comportement avec Allah, l'acceptation des textes, d'y croire fermement, et aussi de les défendre. Il y a un âne là, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Un âne, je dis bien un himar. Et c'est mieux que je dise c'est un himar que je dise c'est un être humain. Et je crois que j'ai omnomme le himar, j'ai même été injuste envers l'âne en disant cela. C'est mieux que je dise que lui c'est un diable. Il dit quoi? Et il vient, il fait quoi? Il dit que ceux qui ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des caricatures. Il dit ben quoi, on a bien le droit de rigoler. Il dit qu'il est musulman, alors. Ben quoi, on a bien le droit de rigoler quand même. Mais ayyuha shaytan, toi le diable que tu es, tu vois pas sur qui ils ont rigolé? Il se dit musulman, il dit moi je suis musulman, attention. Mais on a le droit de rigoler. Ah, subhanallah. Un chrétien, tu lui dis sur Jésus, même nous les musulmans, si un jour on se moque de Jésus, on doit le défendre Jésus. On doit défendre aussi Moïse, Moussa. On doit défendre Isa, on doit défendre Ibrahim, on doit défendre tous les prophètes. Alayhi salam. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Alors il y a des gens qui se disent musulmans, qui s'appellent Mohamed ou l'Ahmed ou là, je ne sais pas comment ils s'appellent, hein, et qui viennent et qui disent, mais allez, on a le droit de rigoler. Et ça, c'est des gens qui d'aïe l'islam. Ou alors, je ne vais pas rentrer dans des détails, des associations de femmes, etc. qui, hein, vous savez très bien ce que je veux dire. Qui se disent quoi? Qui disent Ahna, al-hurriya, la liberté. Taïb, hurriyatek, hurriyatek, khalina. Fais ta liberté tout seul dans ton. Mais laisse les musulmans aussi, tranquille. C'est ça qu'on dit. Il n'y a pas de contrainte à la religion. Est-ce que nous on est venu avec des couteaux, on a dit rentrer dans l'islam? Non. C'est les gens, ils ont vu la beauté de l'islam et ils ont fait quoi? Ils ont dit Wallahi, il est positif. Elle est belle cette religion. Vous avez compris ça, Inch'Allah, mes frères? Donc attention à ceux qui, hein, qui défendent des fois les oppositions ou les choses qui vont à l'encontre de notre religion. Il ne faut pas les défendre, Hadouk. Qu'ils ont fait des caricatures sur le prophète, subhanallah, c'est grave. De défendre ça, c'est grave. Non, mes frères. Et donc, voilà le bon comportement qu'il faut avoir par rapport à cela. C'est-à-dire le bon comportement avec, les, avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il reste quoi? Il reste le sabr. Il reste, yani, at-talaqi aqdarillah azza wa jal bil-rida wa sabr. Ça veut dire que le décret divin arrive. Le décret divin arrive. La décision d'Allah arrive. Toi, tu fais quoi? T'as une moussiba, t'as une épreuve, t'es dans quatre situations. T'es dans quatre situations. La première, at-tasahhut, t'es en colère. La deuxième, la patience. La troisième, l'agrément. La quatrième, le choukr, la reconnaissance. Regardez, il t'arrive une moussiba. Moussiba, c'est quoi? Une épreuve. Ta mère, elle vient de mourir. Qu'Allah nous protège et qu'Allah préserve nos mamans. Taïb. Ou alors il t'arrive, al-muhim, une épreuve quelconque. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quatre situations. Soit tu dis, tu es en colère contre le décret d'Allah, et là c'est grave, et ça c'est haram. Vous avez suivi ça ou pas? Ça c'est haram. Et ça, c'est un bon comportement avec ton Seigneur, ça? Non. Ça veut dire que tu n'as pas accepté sa décision. Et si tu n'acceptes pas la décision de ton maître, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vaut une punition ou pas? Oui, ça vaut une punition. Donc tu dois quoi? Tu dois passer au deuxième degré qui est quoi? La patience. Et la patience, c'est le degré minimal et c'est l'obligation. Tu es obligé de patienter. Après, il y a un acte, le troisième, qui est quoi? Qui est meilleur que la patience et qui est le rida. Le rida, c'est que tu as agréé cette chose-là. Ton corps, il n'a pas bougé lorsqu'il t'est arrivé cette chose-là. Tes yeux, même si tu as pleuré, tu n'as pas pleuré par colère, ou par, tu as pleuré juste par tristesse, ça y est, douze. Il est autorisé de pleurer si nous arrive quelque chose, mais pas de pleurer avec quoi? Avec cette colère que des fois certaines personnes ont. D'accord? Donc, avec les actes, avec la parole, tu t'es abstenu de dire des mauvaises choses, et également, tu as fait quoi? Et également, tu t'es abstenu de faire le haram, hein, vis-à-vis de ceux. Donc, la patience, c'est le degré qui est minimum. Le minimum. Ensuite, on a dit quoi? L'agrément. L'agrément, ça se voit. Une fois, il y a Cheikh Afif, il raconte que son fils, ils sont venus, ils ont annoncé la mort de son fils. Ils ont dit, Matahamak. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils sont partis longtemps. Ils étaient étonnés de cela. De voir un comportement comme cela, ils se sont dit, on n'a jamais vu ça. Cheikh Afif, il y a un de ce temps. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tu as le droit, bien sûr, d'avoir un certain chagrin, mais ne pas faire l'exagération comme certains font. Hein, ils restent pendant des jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils déchirent ses vêtements, ils pleurent, ils disent « je vais pleurer un mois pour la mort d'un tel ». Non. Mais regardez, le bon comportement, c'est quoi? C'est d'abord la patience, et ça, c'est obligatoire. Ensuite, vous avez quoi? L'agrément. Et ensuite, il y a un degré qui est plus grand, c'est quoi? Ash-shukr. Ya ikhwan. T'as un accident de voiture. Voilà, aujourd'hui, vous êtes, il nous ramène des monsébats. Hein, il nous ramène que des épreuves aujourd'hui. Vous êtes de la mère qui meurt, l'accident de voiture. C'est pour donner des exemples. Hein. T'as un accident. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors et tu fais ce jeu de choukr. Tu dis, alhamdoulilah, Allah, il a décidé ça. Alors là, il faut avoir un degré de... Il faut avoir un degré de foi, là. Là, nous, on n'est pas... Nous, on est les deux premiers. Nous. Hein, si on... nous, soit on est le... Hein, soit on est en colère parce qu'Allah nous pardonne, ou soit on est entre la patience. Mais l'agrément est... L'agrément, c'est quoi? C'est mustahab. Et le shukr, c'est vraiment la plus grand, le meilleur des comportements. Regarde, quatre comportements à avoir avec ton Seigneur vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ses épreuves. Et wallah, ya akhi, si tu as appliqué ces trois choses qu'on a dit, on les répète. Le premier, tasdiq, c'est-à-dire croire véridiquement au texte. Le deuxième, tatbiq, la pratique. Le troisième, plus fort. Yani, le fait d'accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous facilite cela, mes frères. Taïb. Quelle est la plus grande cause du bon comportement? Et ça, je vous la pose cette question. Quelle est la chose qui va faire que tu vas avoir le meilleur des comportements? Yallah khammo. Ta'amel ikhlas. Moi, je parle d'un comportement. Le fait de connaître Allah Azza wa Jal. Na'am. Il y a ça, mais c'est pas ça encore. Taqwa, na'am. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, il y a ça. Sawab, c'est lui qui a gagné. Avoir la patience. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs versets d'avoir quoi? D'avoir la patience. Allah dit Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Fasbir, patience. Comme ont patienté les gens, d'avant toi les gens, yani doués de fermeté, de parmi les, les envoyés. Et Allah dit Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Patiente avec les gens qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir. Il y a l'ordre de la patience. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Patiente sur le décret de ton Seigneur et ne sois pas comme la personne qui était dans le poisson. Younes, yani, alayhi salam. Vous avez compris ça, inshallah. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la patience à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le sabr, la patience, huwa aslu kulli khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. La patience, c'est la racine, c'est la base de tous les bons comportements. Regardez, venez avec moi et on regarde quels sont les bons comportements. La tendresse, il faut du sabre ou pas? Il faut du sabre ou pas? La douceur, il faut du sabre ou pas? Taïb. Al-hil, adam al-ajala, la non-précipitation, il faut du sabre ou pas? Taïb. Le fait de sourire toujours envers tes frères, il faut de la patience ou pas? Ça, pas que envers tes frères, envers ta femme aussi et envers ton père. Parce qu'il y a une erreur aussi qui se fait, c'est qu'il y a des gens, ils font le bon comportement devant les gens, et dès qu'ils arrivent à la maison, c'est des shayatins. Qu'Allah nous protège. Donc, regardez mes frères, d'avoir tout le temps le sourire. Il faut avoir la patience ou pas? Il faut avoir la patience. Donc, tous les bons comportements, ils reviennent à cette base, à ce sens. Et c'est pour ça qu'Allah, il leur donne quoi? Il leur donne la racine. Il leur donne de faire, le meilleur des choses, c'est quoi? C'est la patience. Comment avoir la patience? Vous avez vu comment? Oui, comment avoir la patience? Yalla, yakhwan, harrikoum ma'i. Vous êtes fatigué, vous faites shawal ou pas? Ah, moi je ne fais pas shawal aujourd'hui. C'est le khalas, je suis fatigué. Eh ouais? Al-Iman. Un acte. Les frères, on l'a fait il n'y a pas longtemps, là, en plus, je vous ai dit shawal. Le jeûne. Ramadan, Shahr al-Sabr, si tu veux un bon comportement, tu sens. Regarde. Chef, si un jour moi, par exemple, toi tu fais le jeûne, et moi je commence, je t'embête. T'inquiète pas, je ne veux pas t'embêter, mais c'est un exemple. Et toi tu es en jeûne, est-ce que tu vas t'énerver facilement? Il a dit qu'est-ce qu'il m'allait faire. Il a dit je suis en Ramadan, laisse-moi tranquille. Oui. Bon, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, qu'est-ce que tu fais? tu dis la même chose. Mais regardez, regardez. Yani, ce que je veux dire, c'est que vous avez vu quelqu'un quand il jeûne, est-ce qu'il a de la facilité à s'énerver? Là, pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas d'énergie. Il n'a pas d'énergie, il est comme ça, il est fatigué. Donc, sachez, mes frères, et même Aïcha, c'était le madame de Aïcha, elle multipliait les jeûnes le jour de chaleur. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris du jeûne que c'était quoi? C'était Ibraf al-Nafs, qu'il fallait affaiblir ton âme. Plus tu affaiblis ton âme pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas acquérir les meilleurs des comportements. Et ceux qui jeûnent le lundi, le jeudi, on voit la différence, ils patientent plus. Il patiente plus. Quelqu'un qui jeûne, il patiente plus. Il patiente beaucoup plus. Donc, mes frères, si vous voulez une clé pour avoir un bon comportement, akthiru min as-siyam. Faites beaucoup le siyam. Et Ramadan, il nous a apporté cela, inshallah ta'ala. Maintenant, on finit avec le comportement. On a fini avec le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il faut avoir le comportement envers qui? Envers les gens. Le comportement envers les gens, mes frères, les savants, Hassan al-Basri, disait que le bon comportement avec les gens, c'est trois choses. Trois choses. Kufful adha, wa badlun nada, wa talaqat al-wajh. Kufful adha, wa badlun nada, wa talaqat al-wajh. Je répète maintenant en français. Kufful adha, le fait de t'abstenir de faire du mal. Tu t'abstiens de faire le mal. وَبَذْلُ النَّدَى C'est le karam, le jawd, le fait d'être généreux et de ne pas lâcher l'occasion. Si tu as l'occasion d'être généreux à ce moment-là, fais-le. D'accord? C'est pour ça, par exemple, là, notre shir nous a donné à voir. Ça, vous savez comment ça s'appelle? Ils disent خَادِمُ الْقَوْمُ سَيِّدُ. Celui qui sert les gens, c'est le meilleur d'entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait. Et il servait les gens. Et ça, c'est le bon comportement. Vous avez compris ça, inshallah? Donc, kufful adha, le fait de t'abstenir de faire du mal. Être généreux, badlun nada, et talaqat al-wajh. Talaqat al-wajh, c'est quoi? D'avoir un visage radieux, souriant. Taïb. On va regarder. Quelqu'un qui fait, par exemple, qui fait pas le mal aux gens, il est gentil. Et en plus, il fait quoi? Il est karim. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de bien autour de lui. Mais il sourit jamais. Il a un bon comportement. Il sourit jamais, tu vois tout le temps comme ça, il serre les gens, mais voilà. C'est juste. Vas-y, moi je serre et bon. Hein, il reste. Il manque quelque chose. Donc regardez, le bon comportement avec les gens, c'est ces trois choses-là. Kufful adha, vous voyez, ou badlun nada, répétez. Ma'alish. Badlun nada, et le dernier, c'est quoi? Talaqat al-wajh. Bye. كفوا الأذى للبروفيت صلى الله عليه وسلم ندي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كيومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا quand est-ce qu'il a dit ça le prophète صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع le jour de quoi le jour de son hajj c'est-à-dire le jour du pèlerinage qu'est-ce qu'il a dit à tous les musulmans إن دماءكم vos sang وأموالكم وفرتكم وأعراضكم وزنور حرام ils sont sacrés كيومكم هذا comme ce jour qui est sacré في بلدكم هذا qui est مكة في شهركم هذا qui est dans ce mois de الحجة donc le prophète صلى الله عليه وسلم a rendu sacré nos biens nos œuvres nos biens et nos honneurs ça veut dire quoi le frère comment tu t'appelles Ibrahim Moi je viens, je prends les lunettes à Ibrahim. Il dit, c'est à moi. Les jouz, les jouz. Taïb, hâte-le-délit. Hadith, c'est quoi? Hein? On va le dire là. Vos biens sont sacrés. Vous avez compris? Ou bien Ibrahim, le pauvre, ça a été devant moi. Khalas, on peut te lâcher maintenant. Taïb. Ou bien je viens, je dis, Wallah, ya'oudou billah, la femme à Ibrahim. Et je commence, ya'oudou billah. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? L'honneur, صح لا لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يتعرض لاي عرض من المسلمين il n'appartient pas à un musulman de quoi de être d'opprimer son frère que ça soit dans ses biens que ça soit dans son honneur comme sa femme etc et que ça soit même dans quoi et que ça soit dans ses fortunes ses biens et le dernier qu'on a cité également le et son nefs, c'est-à-dire son âme. Tu n'as pas le droit de frapper un musulman. Tu n'as pas le droit de frapper un musulman. Tu n'as pas le droit de tuer un musulman. Pourquoi ? Parce que son sang, il est sacré. Et tu n'as pas le droit d'insulter un musulman. Parce que tu vas lui faire du mal. Et celui qui fait du mal à un musulman, il a une foi qui est musulman, il a une foi qui est basse. Subhanallah. Donc mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Kounou ibadallah ikhwan, soyez des frères, quoi. Soyez des serviteurs et frères en même temps. Vous avez compris ça, inshallah. Alors kufful adha, ça se résume à ça. Le fait de t'abstenir de faire du mal. Pourquoi tu parles sur telle ou telle personne? Ça aussi, elle riva. Elle riva, la médisance. Tu viens, tu dis, Wallahi, là, ça y est, Ibrahim, il sort. Et moi, je viens, je dis à qui? C'est quoi ton prénom? Je me dis, Souleymane. Je viens, je dis, hein, Souleymane, t'as vu Ibrahim tout à l'heure, hein, et je commence à parler, casser, comme ils disent, du sucre sur son dos. Subhanallah. Ça s'appelle comment? Riva. Riva, la médisance. Et dhikruka akhaka fima yakra. C'est le fait de mentionner ton frère sur ce qu'il déteste. T'as le droit de faire ça, yakhi, Wallahi, haram alayk. Et ça rajoute quoi? Souleymane, il va plus avoir la même image d'Ibrahim. Pourquoi? Parce que j'ai parlé sur lui. Et avec ça, on fait quoi? Ou alors, il y a pire encore, il y a le Namima. Namima, vous savez c'est quoi? Je viens, je dis, tu sais ce qu'il a dit sur toi, Ibrahim? Souleymane, tu sais ce qu'il a dit? Une fois, il a dit ça, et toi, khalas. Khalas, les nerfs, ils montent. Là, c'est fini, le sourire, là. Hein? Là, ça y est, c'est les yeux qui se froncent. Il dit, ah là, Ibrahim, je vais lui régler son compte. Hein? Je vais aller le voir. Là, il y a quoi? Ça, là, c'est pas un bon khalas. Et tous ceux qu'on va dire qu'ils ont un bon khuluq, on va dire Hassan al-khuluq. On va dire qu'il a un bon comportement. Et tous ceux qu'on va dire qu'ils ont un mauvais khuluq, on va dire Sayyid al-khuluq. Alors, abstiens-toi, mon frère, de faire du mal. Il y a des gens, comme on va venir dessus, ils ont la race ici. Et ça, c'est grave. Ça, on va revenir dessus, inshallah ta'ala. Il y a des gens, pour X raisons, hein, ils n'aiment pas son frère. Subhanallah. Ou alors, Shaytan vient lui dire, tu sais, la dernière fois, il t'a mal regardé. Ça veut dire qu'il a quelque chose contre toi, et toi tu suis Shaitan comme ça. Ah non, je vais aller le voir, je vais aller lui parler. Là, Ikhwan, là, il ne faut pas. Donc, hein, il faut s'abstenir, il faut abstenir sa langue, il faut abstenir sa main, il faut abstenir toute chose que tu peux contre ton frère. Badlun nada. Donc on a fini Kufful Adha. Badlun nada. Qu'est-ce que c'est Badlun nada? C'est le fait d'être Karim. Alors, il y a des gens, ils sont inoffensifs. Ils sont inoffensifs et ils ne font pas de mal, comme on a dit. Mais ça ne suffit pas pour avoir un bon comportement. Il faut rajouter quoi? Il faut rajouter la générosité. Tu as des gens, ils sont inoffensifs, mais tu dis, « Yahi, la mosquée, elle demande un petit peu d'argent là, pour l'aider. » Et toi, tu as de l'argent. Tu dis, « Non, j'ai pas envie. » Taïb, c'est vrai, tu es inoffensif. Et tu as le droit aussi de dire non. Mais quel mauvais comportement, Yahi. Quel mauvais comportement que tu as, Yahi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Il dit non, moi j'ai pas envie de tenir. Moi. Ah, il y a des pauvres qui viennent qui demandent. Hein, regardez le professeur Sindhi. Il dit Wa'amma sa'ila fala tanha. Et celui qui te demande, le mendiant, ne le rejette pas. C'est pas tout le temps il y a des mendiants, ils viennent, ils te demandent, tu dis ah, c'est un boulot maintenant, tu ne donnes pas. Non, c'est des musulmans, musakin qui viennent, donne-lui même un truc qui est un symbole, 1,50€. Toi, de toute façon, ça fait quoi? Toi, de toute façon, ça fait quoi si tu lui donnes? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et il faut absolument montrer ce bon comportement-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? De donner quand tu peux donner. Mais d'être généreux, c'est pas seulement être généreux avec l'argent. Parce que t'en as, ils sont généreux avec l'argent, c'est pas un problème. Mais ils sont pas généreux avec quoi? Avec la place qu'il a dans sa société. Dans la place qu'il a dans la société, plutôt. Je donne un exemple. Par exemple, moi je sais que ce frère, les pauvres frères qui sont devant moi, qui s'appellent, hein? Zakaria, mashallah, timide. Zakaria, je viens, moi j'ai la possibilité de le faire rentrer dans un groupe pour faire le hajj ou pour faire la umrah. Et j'ai la possibilité de le faire. Et lui il me demande. Et je dis, moi sa tête, elle me plaît pas trop celui-là. Non, je l'emmène pas. Ça, c'est un bon comportement, ça. Là, tu dois aider ton frère aussi. Vous avez compris ça, inshallah. Donc le bon comportement et badl al-nada, le fait d'être généreux, c'est généreux avec son âme. C'est ce qu'on appelle. Ben, je crois qu'ils appellent ça l'altruisme, c'est ça? Hein, c'est ça, le fait d'être généreux envers les autres. C'est comme ça qu'ils appellent. Là, on ne va pas rentrer dans le français. Moi, tu as vu, le français et moi, j'ai fait deux. Hein? Donc, le fait d'être généreux avec son âme, le fait d'être généreux envers les gens avec son argent, avec la place qu'on a, etc., etc., etc. Avec la science. Il y a des gens, Allah, il leur a donné de la science. Khlas, ta'al, donne-nous. Fais partager ça. Hein? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, partager avec les gens hein, cette générosité-là de l'âme et de la place qu'a la personne dans la société, etc. Ça, ça fait partie de quoi? Et vous savez tous comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. On a dit tout à l'heure, quand on lui demandait quelque chose, est-ce qu'il disait non? Jamais. Il disait toujours oui. Tous ceux qui lui demandaient. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu vois ton frère musulman dans le besoin, tu dois faire quoi? Tu dois l'aider. Shaitan, il va te dire, non, vas-y, t'as d'autres actions à faire. Non, yahi. Allah a envoyé cette personne-là, c'est pour que tu fasses le bien. Je te donne un exemple. Là, tout de suite, on m'appelle. On me dit, yahi, je suis dans l'autoroute, je suis en panne, je suis juste à côté. Moi, je dis, non, t'as vu, je peux pas. Au minimum, si je peux pas, si je suis en train de donner un date, je dis à quelqu'un d'autre d'aller le faire. Vous avez compris? Mais je le laisse pas comme ça tout seul. Il t'appelle à 2h ou 3h du matin, c'est ton frère. Peut-être demain tu seras au paradis avec lui. Subhanallah al-Azim. Et tu vas te souvenir de ce moment-là. C'est ton frère, qu'il soit noir, blanc, vert, toutes les couleurs qu'il veut. C'est ton frère, ya akhi. Tu dois l'aider. Subhanallah al-Azim. Donc, badlun nada. Et l'autre chose, hein, après badlun nada, il y a aussi. Ça rentre dans Badlun Nada, dans le fait d'être généreux, si on te fait du mal. On te fait du mal par exemple. La réaction qu'il faut avoir c'est quoi? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pardonne. Bien sûr, t'as le choix. T'as le choix de prendre ton droit. Tu dis il m'a fait du mal, moi je prends mon droit. Mais mon frère, le mieux c'est quoi? C'est de patienter. Pourquoi? Cheikh l'Islam, il ramène une règle. Il dit souvent les gens qui veulent prendre leur droit. Il veut prendre son haqq, lui Daniel al haqqa. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans le dhulm. Vous avez compris? Souvent, il tombe dans le dhulm. Je vous donne un exemple. Ibrahim, pauvre Ibrahim. Non, Suleyman. Lui, ouais. Suleyman, il me dit une chose qui m'a fait du mal. Un gros groupe. Moi, je le regarde comme ça. Je dis, et toi, comme ça? Et qu'est-ce que je vais faire avec les nerfs? Je rajoute. Dans la majorité des cas, je rajoute. Ça, je vois, mais il m'a dit, donc je peux rajouter. Vous avez compris? Là, Cheikh l'Islam, il dit dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? La personne qui veut prendre son droit est l'homme. C'est pour ça que le mieux, c'est quoi? C'est de patienter. Et de dire quoi? Et de prendre ton haqq, yawm al-qiyama. Et prendre ton haqq, yawm al-qiyama, sache une chose, c'est qu'Allah, il dit dans le Coran, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah donnera aux patients une récompense sans limite. T'as patienté, Allah il va te donner une récompense, yani, qui n'a pas d'égal. Juste pourquoi? Parce que tu as patienté. Vous avez compris? Juste parce que quoi? Tu as patienté sur ton frère. Taïb. Allah a dit, qu'il pardonne et qu'il n'induise pas yani, en erreur, qu'il pardonne alors à leur frère. Allah a dit aussi, dans surat Al-Imran, il dit, c'est-à-dire ceux qui pardonnent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit un hadith, sahih, il nous dit que celui qui enterre, yakdom, c'est-à-dire qu'il enterre en fond de son cœur, qu'il étouffe, voilà, il étouffe. Il étouffe une rage alors qu'il peut prendre son haqq. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, yom al-qiyama, il aura une hur. C'est quoi le hur? Hein? Hur, c'est quoi le hur? Hur'in, les femmes, mes frères. Pour les hommes, ah, khalas. Les hommes, ils ont dit, ah, ça y est, je m'énerve bien. Ça y est, je vais avoir toutes les heures de l'univers. Trois fois, on t'a énervé aujourd'hui, t'as étouffé ta rage, trois heures, yom al-qiyama. T'en veux encore? Zit. Attends, je vais te tester. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, celui qui étouffe sa rage, pour Allah, alors qu'il peut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il en récompense? Il a hur al-ayn yom al-qiyama. D'abord, avant de revenir à ça, il y a aussi une autre chose, mes frères. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Mes frères, ce verset, il est dans Sourate Fussilat. Il est dans l'avant-dernière page, la dernière page, le rime, à droite, maintenant à gauche, ça ne peut pas commencer par le Coran. Ouais, na'am, à gauche. Voilà, testaoui al-hasanatu, voilà, itfa' billati hiya hasana. Allah nous dit que la hasana, la bonne action, elle n'est pas comme la mauvaise. Mais il nous dit de repousser la mauvaise action par la bonne. De repousser la mauvaise action par la bonne. Et itfa' billati hiya hasana. Et tout de suite, ensuite, Allah qui nous dit فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فَإِذَا, le إِذَا ici, ça s'appelle الْإِذَا الْفُجَائِيَ en arabe. الْإِذَا الْفُجَائِيَ, ça veut dire que est là, tout de suite. D'accord ? Et là, tout de suite, tu vois celui avec qui tu avais une adawa, et là, tout de suite, tu vois avec celui avec qui tu avais une adawa, c'est-à-dire un problème avec lui ou un conflit. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Il devient alors ton ami le plus proche. Vous avez compris ce verset-là ? Ou je le réexplique ? Vous avez tous compris ou pas ? Vous avez compris ? طيب. Donc, Allah nous dit ادفع بالتي احسن, repousse le mal par le bien. Et tu verras qu'en faisant cela, si tu as un problème, tu verras que tout de suite, la personne va changer de comportement. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va devenir ton meilleur ami. Et je vais vous raconter deux anecdotes sur ça. Deux anecdotes. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, c'était le cheikh de Cheikh Al-Uthaymeen. Et un jour, il y avait un de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il lui a écrit, il lui a dit, il lui a écrit un livre. Il a dit, Anta kafir. Il a sorti tous les mots de la terre. En disant carrément que c'était un kafir. Imaginez-vous, lui, c'est un savant. Et il reçoit une lettre, il lui dit, toi, t'es un mécréant. T'es un mécréant, t'es pas un musulman. Au minimum, il pourrait dire, t'es quelqu'un de mauvais, t'es quelqu'un de ceci. Lui, non, il a sorti de l'islam. Aïe, ma'lish. Qu'est-ce qu'il fait ? Il voit cette lettre, il lui renvoie une autre lettre. Ah, la sœur Saadi. Il lui renvoie une lettre. Il lui dit, cette lettre m'est venue de ta part. Et à mon avis, tu étais, on a dû te dire des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Mais toi, tu es quelqu'un de bon. Et je ne pense pas que des gens comme toi peuvent dire ces choses-là. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre et de dire de faire attention à ce que disent les gens, etc. Et il a commencé à parler avec douceur. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit après lui, tu lui as envoyé une lettre. Il dit, tout ce que j'ai dit, c'est mahliya. Je te demande pardon. Tout de suite, regardez. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ. Tout de suite, tu lui envoies une lettre. Pardonne-moi, excuse-moi, et tout. Il le supplie pour qu'il lui parle. Subhanallah al-Azim. Et ça se faisait aussi. Et regardez, tout de suite il a écrit et tout de suite il a répondu. Subhanallah al-Azim, ça dans la vie de tous les jours, tu le vois hier. Regarde quand ça chauffe entre toi et quelqu'un. Quand ça chauffe, tu es en train de parler avec quelqu'un, ça y est, ça commence à monter. Ah, t'as vu, oh, ça commence. Lui il commence à dire une parole, et toi tu dis une parole. Et moi il m'est arrivé une anecdote. Un jour, moi avant, malheureusement, j'étais quelqu'un qui était nerveux. Amin Jazair, on est nerveux. On est tous comme ça, malheureusement. Et il y en a un, il a commencé à vraiment m'énerver. Et il était plus jeune que moi. Lorsque j'étais au Yémen, quand j'étudiais, il est venu vers moi comme ça. Et il a braqué, il a mis son nez ici. Alors que moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Il est rentré dans un magasin, il a commencé à crier. Je lui dis, oh, calme-toi. T'es dans un magasin, t'es pas dans un marché ici. Je dis, calme-toi un petit peu. C'est pas la peine de crier comme ça, pour avoir un bon comportement. Il est venu comme ça, il s'est approché vers moi. Il doit avoir 5 ans de moins que moi, un truc comme ça. Il a dit, moi je suis vraiment vieux par rapport à lui. Il a mis son nez, regardez bien, ici. Hein. C'est pour vous dire qu'il a mis son nez ici. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème, toi ? Et il me dit ça comme ça. Il me regarde avec ses yeux comme ça, énervé. Et là, ma tête, ça y est, elle a commencé à faire les films. Allez, je le soulève. Allez, je lui fais ça. Allez, le poing il se ferme. Ça y est, la bagarre. Je vous le dis, ma'nej, pour que vous preniez le son. Et tout de suite, je me suis souvenu du hadith du prophète. Il dit, dis a'oudhu billahi minash shaitan rajim. Et tout de suite, il dit a'oudhu billahi minash shaitan rajim. Wallah, je dis pas ça pour me vanter, mais pour vous dire que juste c'est possible. Juste c'est possible, c'est tout. Alors, je lui dis quoi ? Je dis, lui, il n'a pas entendu, parce que... Après, ça fait ça. Ça continuait, ça ne s'arrêtait pas. Après, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mon frère, Je t'ai rien dit de mal, je t'ai juste dit, crie pas. Jusqu'à maintenant, je t'ai toujours respecté, t'es plus jeune que moi. Tu viens, tu me parles comme ça déjà, moi je suis plus vieux que toi. Et je t'ai juste dit, calme-toi, t'as pas à crier, t'as pas à faire ça. Pourquoi tu fais ça? T'as un bon comportement, t'es un musulman, t'es mon frère, non? Tu veux quoi? Tu veux qu'on se batte? C'est nul ça. Et moi-même, j'ai essayé de raisonner. Ouais, je sais, mais excuse-moi, mais voilà, j'ai des problèmes en ce moment. Tout de suite. Alors qu'il me dit, t'as un problème, au début, il voulait me frapper. Tu vois? Il a pleuré, excuse-moi, tata, il est venu vers moi, voilà, excuse-moi, mon frère, j'étais pas mal. Vous savez ce qu'il a fait? Trois fois, je l'ai croisé dans la journée. Excuse-moi vraiment pour tout à l'heure. Ah, excuse-moi. Trois fois, je l'ai croisé dans la journée après. Excuse-moi vraiment, ce que j'ai fait, c'est grave et tout. T'es plus grand que moi, je t'ai vraiment manqué de respect. Est-ce que tu m'excuses? Je m'excuse. Si, khalas, c'est pardonné, mon frère, khalas. Et lui, khalas, c'est ça. Vous avez compris? Il y a des gens comme ça, il y a des histoires comme ça, il y en a. Donc mes frères, sachez que si vous répondez par la meilleure des actions, Wallah, et tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par ça, par le fait que la personne va se soumettre bi'nillah devant vous. Et on a vu le hadith qui dit Harabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi akhlaqi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu ses ennemis avec quoi? Avec le bon comportement. La dernière chose, talaqatul wajh. Talaqatul wajh, c'est le fait d'avoir un visage, comme on a dit, souriant et radieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tabassum fi wajhi akhik sadaqa. Le fait de sourire vers ton frère, ça c'est une sadaqa. T'as pas d'argent. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas d'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, sache que cette action-là, elle complète. Cette action-là va faire que tu as tout le temps une sadaqa. T'as donné une sadaqa, t'as donné une sadaqa. Même les gens qui ont dit au prophète alayhi salatu wasalam, il y a des compagnons, ils ont dit, mais ya Rasulullah, il y a des gens, ils sont partis. Ils sont partis avec toutes les récompenses. Il dit, c'est qui? Il a dit, c'est les gens qui sont riches, qu'Allah a donné, et cet argent-là, il le donne fils à Bilillah. Et le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ce que vous dites, subhanallah, ou alhamdulillah, ou la ilaha illallah, il leur a donné quoi? Quelque chose qui remplace. Chaque subhanallah que tu vas dire, c'est une sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Et le sourire, c'est une sadaqa. Vous avez compris ça, inshallah? Donc si toi, tu veux faire partie des gens qui sont vraiment généreux, souris, arrête. Évite de regarder tes frères musulmans avec un mauvais visage. Pourquoi? Parce que si tu le regardes avec un mauvais visage, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, oh Allah, il ne m'aime pas parce que je suis un frère. Oh Allah, parce que moi, il ne m'aime pas parce que j'ai mis une chachille aujourd'hui. Oh Allah, il ne m'aime pas parce que ça, c'est shaitan, ça y va rentrer. D'ailleurs, dès que tu vois tes frères, souris. Et il y a une femme, elle s'est convertie il n'y a pas longtemps. Vous savez comment elle s'est convertie? Un jour, elle regardait par la fenêtre. Et il y avait une mosquée juste en dessous de chez elle. Et voyez les noirs, les arabes, les blancs, ils sortaient 5 fois par jour devant la mosquée. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Et ils avaient un grand sourire. Ça va mon frère, tu vas bien? Ouais. Et regardez, ils disaient, elle voyait, ils disaient, mais comment ils font pour être heureux tout le temps de cela? C'est quoi qui les rend heureux? Alors elle est venue et la personne lui a posé la question. Elle lui a dit, c'est quoi madame qui vous a fait rentrer dans l'islam? Elle a dit, moi c'est simple, j'ai regardé par la fenêtre. Et je voyais des gens tout le temps, ils souriaient. Tout le temps, ils étaient contents. Je dis, mais c'est quoi là, quand ils rentrent dans ce cave ou là, cet endroit, puisque nos mosquées, malheureusement, sont des caves, des trucs. Il dit, c'est quoi? Ils rentraient à l'intérieur, ils sortaient, ils avaient tous le sourire. Ah, ils étaient là, mnaourine, mashallah, illuminés. Ah, ils avaient tous le sourire. J'ai dit, c'est quoi cette chose-là? Alors, elle s'est intéressée. Elle dit, j'ai voulu savoir c'était quoi, cette chose-là. Et elle est venue à la mosquée, elle a fait shahada. Et elle a vu les femmes, etc. Elle est venue. Vous avez vu? Toi, crois pas mon frère, crois pas que tu ne fais pas da'wa. Toi, il y en a qui disent oui, da'wa, da'wa, da'wa, oui, da'wa avec science, bien sûr, mais da'wa aussi avec les actes. Da'wa avec les actes. Quand toi, tu marches 5 fois par jour et tu vas vers la mosquée, tu fais une da'wa. Quand tu sors de la mosquée, tu fais une da'wa. Quand tu fais attention, quand tu ramasses le adha, comme le professeur Salim dit, et il m'a adha an al-tariq, que ça fait partie des branches de la foi, hein? Que tu prends des choses qui sont par terre et que tu les jettes, ça c'est une da'wa. Tes actes c'est une da'wa. Une fois il y avait une vieille femme qui avait des courses et un frère qui est venu, mon miskin, lui il est venu du Yémen, il avait les cheveux longs, il avait la barbe, il avait tout. La totale. Et il vient vers cette femme-là et la vieille elle avait donc ses sacs. Vous habitez à quel étage madame? Après elle lui dit j'habite au 3e. Elle dit vous me permettez? Elle dit oui quoi? Vos courses? Elle dit d'accord. Pour les courses, il monte. Il monte, puis lui, c'est un sportif, on a le balai, il montait vite fait, il a redescendu. Dès qu'il redescend, il a vu la vieille dame, elle a dit, « Ah, Ça, c'est l'islam. Allahu Akbar. Regarde avec son comportement. Et combien de gens? Tu viens, toi, regarde ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu salam, quand il a dit à Abu Darda, Zid maraqan, rajoute de l'eau dans ton maraq, c'est-à-dire dans ta soupe. Juste, tu rajoutes et tu donnes à ton voisin. Mais c'est quel le fruit, l'eau? Il t'a mis des épices, t'as mis ce qu'il fallait. Hein, comment, tu rajoutes juste de l'eau. Tu rajoutes de l'eau et tu donnes à qui? À ton voisin. Et il y a une autre personne qui est rentrée dans l'islam comme ça, qu'on connaît. Il a dit, comment tu es rentré toi dans l'islam? Il a dit, moi, si c'était les musulmans, ben les musulmans, ils ont vraiment un mauvais comportement. Ah, pourquoi? Il dit, toute la journée avec des motos devant la maison, à faire des roues, à nous rendre fous, et ça c'est les enfants des noirs, des arabes, des trucs, il y en a marre, il a dit. Mais il a dit, il y avait quand même une femme qui était gentille, là, une marocaine du bâtiment, et elle venait tout le temps me donner de la soupe. Ben, je lui ai dit, merci, hein, c'est bien, mais pourquoi vous me donnez ça? Il dit, c'est l'islam. Tiens, c'est l'islam, il a cherché. Qala ashhadu an la ilaha illallah. Regardez mes frères. Donc le bon comportement. Et bien sûr, ce bon comportement, il faut l'avoir avec la famille, il faut l'avoir avec les proches, et il faut l'avoir. Hein, il ne faut pas que tu montres un bon comportement, toi, aux gens de la mosquée. Et ensuite, tu rentres chez toi et tu as un mauvais comportement avec ta femme. Ta femme, c'est celle qui doit le plus avoir ce bon comportement. Le prophète, alayhi wa sallam, il est plus en mérite de recevoir ce bon comportement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Khiyarukum, khiyarukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur envers sa famille. Et que moi, je suis le meilleur hein, envers ma famille. » Donc, tu fais un sourire à ton frère, tu veux lui montrer quelque chose, et tu arrives devant ta femme, t'es énervé. Pourquoi? Le travail, etc. Et pourquoi quand t'es avec les frères, il n'y a pas le travail? T'es là, t'as le sourire. Pourquoi? Parce que là, tu peux te relâcher. Au contraire, c'est là que tu dois encore plus hein, donner le haqq à ta femme. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc là, également, ça c'est une erreur que beaucoup font. Ils sont gentils avec les gens, mais ils ne sont pas gentils avec les gens de leur famille. Comment multiplier les bonnes actions dans le bon comportement? Moi, je vous conseille trois choses. La première, c'est de lire Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, avec le Coran, Riyad al-Salihin, il y a les bons comportements à voir. Mais une fois que tu as lu Riyad al-Salihin, ça c'est juste les hadiths qui te prouvent le mérite des bons comportements. Et les mashayikh, les savants ont dit que si tu voulais rajouter à cela, tu lis la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu rajoutes à cela les biographies. Tu rajoutes à cela quoi? Les biographies, tarjama, les biographies. Par exemple, hein, comment vivait Omar ibn Khattab? Comment vivait Abu Bakr parmi les compagnons? Comment vivait Al-Bukhari? Comment vivait Muslim? Comment... Et dans leur biographie, tu vas voir qu'eux, ils ont appliqué, ils ont mis en pratique ce qu'ils connaissaient. Et toi, à savoir cela, dès que tu vas savoir qu'il y a des personnes comme toi, c'est-à-dire des créatures, des hommes, ils ont réussi à faire cela, donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, Inch'Allah, mettre en pratique. Et il y a aussi un livre que je vous conseille, dans la patience, c'est Uddat Sabirin. Uddat Sabirin, c'est un livre de Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Ils ont traduit quelques passages, ils ont appelé La voie vers la patience. C'est un livre qui définit bien toutes les récompenses qu'il y a dans la patience. Pourquoi? Parce que je vous parle de la patience, parce que c'est ça, la base, comme on a dit, hein, du khuluq al-adhim. Mes frères, on m'a demandé également de faire une kalima. Comment dire, sur le message. Moi, je vais être très court sur ça, Inch'Allah ta'ala, parce qu'on a déjà passé un bon temps ensemble, et en plus, en à peu près une heure, ça va être le asr, ça fait que je vous ai bloqué toute votre après-midi, et bien allez, Inch'Allah, vous pardonnez. Hein? Donc, sachez que le meilleur des endroits qu'Allah préfère, c'est les mosquées. C'est les mosquées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ahabbul bilad ilallah masajidu ». Le meilleur des endroits pour Allah, c'est les mosquées. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Et les pires des endroits que Allah déteste, c'est quoi? C'est les marchés. Pourquoi? Parce que le marché de dunya. Dunya, le prophète صلى الله عليه وسلم dit dunya mal'ouna wa mal'oun ma fiha illa mabtughiya bihi wajha Allah. Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم que dunya, la vie d'ici-bas, est maudite. Sauf, et maudit ce qu'il y a dedans. Sauf ce qui est recherché pour le visage d'Allah subhanahu. Et le meilleur des endroits et la meilleure des maisons, c'est là, c'est celle d'Allah. c'est celle d'Allah. Qui aurait pu penser qu'un jour, cette qita'a, hein, c'est-à-dire ce petit terrain, hein, qui en France, allait être une place où les musulmans allaient poser leur quoi ? Leur front pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est les meilleurs endroits, pourquoi ? Parce que le musulman vient et accomplit ses cinq prières. Il fait la meilleure des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Aqimus salata wa atu zakat. Allah subhanahu wa ta'ala a lié plusieurs fois le amal salih, les bonnes œuvres, avec quoi ? Avec iqamat salat. Tayyib. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawm al-akhir wa aqama as-salah. Certes, ceux qui remplissent les mosquées, c'est ceux qui ont cru en Allah et qui ont cru en jour dernier et qui ont accompli la prière. Les masajid, ça existe depuis longtemps. Tous les prophètes construisaient des masajid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ils disent que celui qui a construit, si je me souviens bien, Masjid al-Aqsa, c'était Suleyman, alayhi salam. D'autres disent aussi que c'était Ya'qub, ala kulli hal. Les prophètes, yani, avaient pour habitude de faire cela. Et que celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve le mérite de la mosquée, est venu dans le hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, dit « Man bana lillahi masjidan, bana Allah, yabtari bidhalika wajh Allah. » Celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis. Et des hadiths, et des hadiths, et des hadiths. Pour vous parler de Fadl al-Masajid. Mais c'est surtout aussi al-Masjid en lui-même, alhamdulillah, nous prie. Walakin, le plus important, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le masjid. Qu'est-ce qu'il y a dans le masjid. Est-ce que le masjid, il est à la sunnah, à la sunnah du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou pas? Alors d'abord, une mosquée doit être construite sur la crainte d'Allah. C'est la première des choses qu'il faut savoir. Il faut d'abord qu'il soit sur de l'argent halal. Quand tu vas construire une mosquée, tu as l'argent. Car Allah dit, car le professeur Sam dit, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala est bon et n'accepte que les choses bonnes. On ne va pas lui donner toi de l'argent de la drogue ou de l'argent du haram pour dire oui, je construis une mosquée, ça c'est haram. Ou de l'argent de la riba, hein, ça aussi c'est haram. Et il faut absolument une bonne attention pour construire la mosquée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui avaient, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, construit une mosquée, mais dans le but d'être quoi ? Dans le but de séparer les croyants. Et c'était les munafiqin, qui avaient fait masjid dirham. Ils avaient construit cette mosquée-là pour séparer les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawmi a haqqu an taquma fi » Allah subhanahu wa ta'ala a répondu et a répliqué aux munafiqin, aux hypocrites, en disant au prophète alayhi salatu wasalam, dans le Coran, en lui disant qu'une mosquée qui a été bâtie sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de Bunniya, est meilleure qu'une mosquée, ou plutôt est meilleure que les autres mosquées. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, il faut absolument une bonne niya. Il faut aussi savoir qu'une mosquée, elle ne doit pas être construite sur des qubours. Elle ne doit pas être construite sur des qubours. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les communautés qui étaient avant nous, et en disant qu'ils avaient construit quoi ? Ils avaient construit Takhadou, Qubura, Anbiya, Masajid. Ils ont pris les tombes des prophètes, comme quoi ? Comme mosquée. Et ça, c'est interdit. Donc, ça, c'est très important aussi à savoir. C'est parmi les choses les plus importantes à connaître dans la mosquée. Dans la mosquée aussi, il faut qu'elle vive, cette mosquée. Il faut qu'elle vive avec la da'wah. La da'wah, c'est quoi ? C'est la prêche. Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'elle vive avec quoi ? Avec le tawhid et le sunnah. Le tawhid, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a » Adorez Allah et ne lui associez rien. Et Allah a dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa laqad ba'adna fi kulli ummatin rasoula an ya'budu Allah » Et Allah nous dit qu'il a envoyé les prophètes, chaque prophète à chaque communauté, avec un seul message, « Adorez votre Seigneur ». Donc c'est la da'wah du tawhid. Également Allah dit dans le Coran قل أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est autre qu'Allah qu'on t'ordonne, que vous m'ordonnez d'adorer vous les ignorants? Donc ça aussi ça prouve que la da'wa, c'est-à-dire la prêche, doit être bâtie et doit être construite sur le tawhid. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Celui, quiconque fait du shirk, le pire des péchés c'est quoi? Le pire des crimes c'est quoi? C'est shirk. Innahu man yushrik billah, celui qui fait le shirk, qui est associé à Allah. Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah, certes Allah lui a interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et il aura pour refuge le feu. Wa ma lil-zalimin min ansar, et il n'aura pas de refuge pour les anges injustes. Les injustes ici, c'est ceux qui ont fait le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah pardonne. Inna Allah la ne pardonne pas le shirk, mais il pardonne en dehors de cela, quoi, et à qui? Vous avez compris ça, inshallah? Donc la da'wa, il faut qu'elle soit basée sur quoi? Elle soit basée sur le tawhid. Et c'est ça la vraie da'wa, c'est ça qui va fleurir et donner des fruits, inshallah ta'ala. Et il faut aussi qu'elle soit sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Donc il ne faut pas apporter des bid'ah. Il ne faut pas apporter des innovations dans une mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque vient avec des innovations, quiconque vient avec des enseignements contraires aux nôtres, ils seront alors rejetés ces enseignements. Donc sachez ça. L'adoration d'Allah, l'unique, et ça veut dire quoi? La ilaha illallah, ça se traduit par la ilaha illallah. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant sa sunna, qui est quoi? Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sachez également que Allah nous a ordonné de ne pas nous diviser. Donc vous êtes tous des frères. Et vous ne devez pas vous diviser. C'est pas parce que toi, t'es pas d'accord avec lui que tu dois dire c'est plus ton frère. Là. C'est pas parce que toi, tu fais tahiyatul masjid après l'asr et lui, il la fait pas que c'est plus ton frère ou que lui, il est à la dalal. Là. Sache que rien que sur cette question-là, il y a un khilaf. Il y a une divergence entre les savants. Certains savants, oui, voient l'interdiction formelle de prier après l'asr. Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths qui le prouvent. Et ça, c'est madhhab al-Maliki. Souvent, nous, quand on voit nos parents, quand ils sont venus ici, tu les vois jamais prier après quoi? Après l'asr. Sachez que l'imam Shinqiti, rahimahullah ta'ala, l'imam Shinqiti, vous connaissez l'imam Shinqiti, celui qui a fait Abu al-Bayan, le Mauritanien, qui était le cheikh de Cheikh Ibn Baz. Sachez que cette question-là, il a préféré s'abstenir. Il a préféré ne même pas donner de parole sur cette question. Et que certains savants disent, lorsque tu rentres, tu restes debout. Ou alors tu ne rentres même pas pour ne pas rentrer dans la divergence. Oui, après la race. Et il y a aussi d'autres savants qui disent non, et qui prennent la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith qui dit la yajlis ahadukum hatta yusalli rak'atayn. Oui, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de prendre ce qawl là et tu as le droit de prendre ce qawl là. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence entre les savants. Tu as le droit de prendre cette divergence là. Mais que ces divergences qu'il y a entre les savants ne doivent pas être une cause que quoi? Que vous vous détestiez. Les divergences, ils se divisent en deux. Il y a les divergences où il y a un gros khilaf comme celle-là. D'accord? Il y a un gros khilaf, c'est-à-dire une grosse divergence entre les savants sur ce sujet-là. Et il y a les divergences où il y a une petite, où il est faible. Vous avez compris? C'est par exemple soit un hadith qui est faible, ou alors un raisonnement qui est faible. D'accord? Là, non. Là, tu as le droit de quoi? Là, tu as le droit de réprimander la personne. Mais avec quoi? Billati liyasa. Bil khuluq at-tayyib. Avec le bon comportement. Vous avez compris ça, inshallah? Et non pas venir à toi, ta'ala balal. T'es dans un garment, il n'y a qu'un seul haqq, il dit ça. Il n'y a qu'une seule vérité. Et toi, tu es sur le faux. Et moi, je suis sur la vérité. C'est pas comme ça. Les sahaba, les compagnons, il faut savoir une chose. C'est que des fois, ils étaient en divergence sur des questions. Mais ils ne se détestaient pas pour entendre. Vous devez vous aimer. Kounou, ibadallah, ikhwana. Mais bien sûr, avec le seul but de quoi? De suivre quoi? La sunna. Nous sommes également, nous, une jama'a. On n'est qu'un seul groupe. Et on est le groupe de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas les groupes qui nous invitent à aller dans tel ou tel pays. Viens, sors avec nous, sans science, sans haine. Et puis à la fin, tu fais des pactes. Et tu ne sais même pas avec qui tu les fais. Hein, des pactes soufis ou des pactes, etc. etc. Hein. Nous sommes une seule jama'a qui appelle au Coran. Qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qala sahaba. Et celui qui veut savoir ça, bismillah, viens. Ils sont écrits. Les preuves sont écrites, alhamdulillah. Et on peut te ramener qu'est-ce que dit tel sahaba. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba. Amma, je viens, oui, nous sommes telle secte, ou nous sommes tel groupe, ou nous sommes telle chose. Hein, jama'at tibir, jama'at ikhwan, jama'at ikhwan. La, nous on suit. Qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, nous ne fais pas mal à la tête avec tes sectes, etc. ou tes groupes. Parce qu'il y a des gens qui utilisent les mosquées pour faire quoi? Pour poser son poison. Vous avez compris? Shia, par exemple, les chiites, ceux qui insultent Aïcha, ceux qui insultent, hein, vous connaissez, qui insultent les compagnons. Au début, il ne dit pas qu'il est chiite. Habba, habba. Habba, habba, comme ils disent au Yémen. Hein? Graine par graine. Petit à petit, il va, il file le coton. Il file. Et un jour, il te dit, hey, t'es avec nous ou t'es contre nous? Une fois qu'il a bien appris. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont vu un imam chiite vers la Pinée. Ils ont vu, hein. Il a fait quoi? Khayyat ma'ahum. Il a fait son petit chemin. Jusqu'à ce qu'ils ont vu qu'il insultait Aïcha. Qu'il avait des sifats de chiite. Hein, c'est-à-dire des caractéristiques qui prouvaient qu'il était dans une secte égarée. Et bien après, c'était trop tard. Pourquoi? Parce que c'était directeur de la mosquée. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, quand il y aura une khutbah de Jumu'ah et on va insulter les compagnons? Tu vas accepter ça? Tu vas pas accepter ça. Donc faites attention. Ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas qu'il y ait de bid'a. Il ne faut pas qu'il y ait de bid'a, des innovations dans une mosquée. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'Allah nous a interdit de nous diviser. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya akhi, et la chose que j'ai vue, moi, qui divise dans des mosquées, c'est quoi? Et Wallah, mes frères, je vous demande pardon de le dire. Wallah, je vous demande pardon dès maintenant. Il y en a peut-être qui vont prendre 500 balles, ils vont me jeter. Je préfère vous dire dès maintenant. Wallah, la chose qui a divisé les musulmans, c'est quoi? Cette ta'assoub, le racisme. T'es algérien, t'es marocain, t'es tunisien, hein? T'es africain, t'es ça. Toi, t'es une race qui est en bas, toi, t'es une race qui est en haut. Ikhwan, Allah, il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Ô vous les gens, nous avons créé d'un homme et d'une femme. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et nous avons fait de vous des شعوب, des peuples et des tribus afin que vous connaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Inna Allah alim khabir. Certes, Allah est savant et bien avancé. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui faisait l'Eden pour lui? Bilal. Bilal était de quelle couleur? Il était noir. C'était un abd. Mais l'islam l'a libéré. Et l'islam a fait que le noir et le blanc, ou le rouge, ou tête, ils sont pareils. Et ils sont sacrés. Mes frères, wallahi, j'ai jamais vu des mosquées, hein, j'en ai vu certaines, alhamdoulilah, où les noirs et les arabes, ainsi que les arabes de toute race, ils étaient ensemble, wallahi, vivent une chose et qui est merveilleuse. Une fois, j'ai mangé dans une mosquée, et c'était un Pakistanais qui nous avait servi. Je dis, wallah, que tu trouves ça que dans l'islam. Un Pakistanais qui est venu, qui nous a servi à manger. Il a servi quoi? Des Noirs, des Arabes, toutes les races. Et ça, on remercie nous, Allah subhanahu wa ta'ala, d'être des frères. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être des frères. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ait eu cette religion-là qui le problème du racisme, qui l'a réglé depuis longtemps. Sachez qu'il y avait des gens qui pensaient sur les Noirs ou sur les Arabes qu'ils avaient des choses particulières dans leur corps. Mais non, mon frère, on est descendu de qui? De Adam et de Hawa. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Abun wahid, ummun wahid. Vous descendez tous de quoi? D'un seul père et d'une seule mère. Ils sont venus, ils ont commencé à faire des expériences pour voir, subhanallah, il n'y a pas longtemps encore. Ils disent peut-être que les Noirs, ce n'est pas des êtres humains, ou peut-être que les Arabes, ce n'est pas des êtres humains, ou peut-être que c'est des autres races et de ce. Ils ont été jusqu'à faire des expériences pour ça, subhanallah. Alors que nous, ça fait longtemps qu'on a réglé ce problème. Nous, on est des frères. On est des frères. Et un frère, il fait pas la différence. Aujourd'hui, wallah, et encore, on m'appelle, hein, j'ai pas marié ma fille parce que lui, c'est un noir. J'ai pas marié ma fille parce que lui, c'est un arabe. C'est un algérien. Même entre les arabes, il y a la racisme. Hein, toi, t'es un algérien. Les algériens, non, non. Les marocains, non. Les tunisiens, non. Pourquoi? Parce que t'es de cette race. Non, c'est pas comme ça. Wallah, et ça, c'est grave. Et alhamdoulilah, il y a une chose aussi qu'on a appris ici, même en France, c'est de vivre en communauté. Hein? C'est de vivre en communauté. Et souvent dans les foyers, il y a ça. Souvent dans les foyers, il y a quoi? Il y a cette entraide, hein, et cette chose-là, et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver, de préserver ces liens-là. Alors aussi, une autre chose, mes frères, c'est d'être tous des frères et de ne pas se séparer. Et ça, c'est une autre chose, c'est que une mosquée ne vit qu'avec la science. Une mosquée, il faut faire quoi? Des doros, des conférences, pour qu'elle vive. Et s'il n'y a pas ça, elle ne vit pas. Regarde là, par exemple, si tu n'auras pas écouté ce dars-là. Bon, je dis ce dars-là parce qu'on est dans l'occasion. Et bien, tu seras rentré chez toi, tu auras fait ta salat et tu auras entendu l'autre prière, c'est tout. Mais quand tu écoutes un dars, c'est un rappel. Et le prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Walakki fa'inna dhikra tanfa'al mu'minin » et rappelle, car le rappel fait du bien aux croyants. Et bien, tu sens que tu revis. Tu sens que ton cœur, hein, il y avait une poussière et que là, il y a eu un souffle dessus. Ça, donc mes frères, sachez qu'une mosquée ne vit qu'avec ça. Coran, sunna. Coran, sunna wa ta'lim. Il faut qu'il y ait des gens parmi vous qui connaissent le Coran. Il faut parmi vous de temps en temps qui changent de imam. Aussi, ça c'est bien. Hein, que l'un, hein, remplace l'autre de temps en temps également. Comme ça, ça ne fait pas. Hein, truc. Il faut aussi revenir à un seul imam. Dans le sens où quand vous avez des problèmes ici ou ailleurs, ou c'est une association, eh ben c'est bien aussi de revenir à une seule personne. Et de préférence que cette personne-là soit parmi les tullab al-ilm, parmi les gens qui étudient. Si c'est quelqu'un miskin, il est jahil, même lui, il ne sait pas faire la prière. Non, mais Joseph, d'accord. Il faut prendre celui qui connaît bien le Coran, et il faut prendre aussi celui qui a un minimum de science. Sachez également qu'il y a, et ça c'est la dernière chose avec laquelle je vais finir, il y a des conditions. Il y a des conditions pour réprimander la chose qui est mauvaise. Vous avez compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi in lam yastati' bi lisanihi in lam yastati' bi qalbihi wa dhalika dha'f. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque d'entre vous voit mal, tu vois mal, tu dois le réprimander avec quoi? Avec tes mains, si tu peux. Si tu peux pas, avec quoi? Ta langue. Si tu peux pas, avec ton cœur. Tu tiens cette chose-là, les mots. Wada li ka da'afu l'iman, et c'est la plus basse des fois. C'est le plus bas niveau de la foi. Mais sachez que ce hadith-là, il est applicable avec quatre choses. Et vous allez les retenir bien. Et ce hadith-là, il est applicable dans vos familles, dans vos proches, mais surtout, surtout dans cette grande école qui est l'école des akhlaq, c'est-à-dire l'école, la madrasa de akhlaq, c'est-à-dire l'école des bons comportements, qui est quoi? Qui est le masjid. Surtout là, surtout là. Ces quatre règles-là, c'est quoi? Tu vois un mal. Alors, il y a quatre degrés. Le premier degré, c'est quoi? C'est que tu vas réprimander le mal et tu vas, à cause de cette reproche, tu vas provoquer un mal qui est plus grand. Ça, c'est interdit. Car on ne réprimande pas le mal pour faire un mal qui est plus grand. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc toi, tu sais qu'en disant ça, ou dans la mosquée, ou en disant ça à ton frère, tu sais que ça va faire un mal qui est plus grand, tu ne le réprimandes pas. Tu as compris? Haram alaik. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré et le troisième, c'est tu sais que ça va alléger le mal, ou alors ça va faire quoi? Ça va l'enlever complètement. Là, il faut que tu le fasses. Tu as compris? Ces deux degrés-là, il faut que tu le fasses. Et le troisième degré, c'est que tu sais pas. C'est un point d'interrogation. Ni tu sais si ça va le faire le bien, ni tu sais que tu vas faire le mal. Et là, les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit ça, c'est mon ijtihad. Ça, c'est toi qui es responsable après de tes actes. D'accord? Et alhamdoulilah, il y a toujours des indices pour savoir si la chose, elle est bonne à réprimander ou pas. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, à chaque fois que tu vas venir dire une chose à ton frère ou réprimander un mal à l'autre, sache toujours ça. Remets ces règles-là, ces quatre. On répète. La première, c'est quoi? Hein? La première, c'est quoi? C'est que tu vas réprimander ce mal, il va y avoir Un mal plus grand. Yajouz ou la yajouz? La yajouz, c'est interdit. La deuxième? Et la troisième? Qui sont d'un coup. Retenez, parce que là, ça va vous servir. Cette règle-là, mes frères, elle va vous servir. C'est le Qayyim qui la cite. Cette règle-là va vous servir dans toute votre vie. Dans toute votre vie, devant tes parents, devant ta famille, devant tes. Ah, les deux autres degrés. Ah. Tu sais que ça va faire quelque chose de bien, ou alors ça va quoi? Soit ça va repousser le mal, ou soit ça va l'alléger. Là, wajib ou la wajib? Là, khalas, il faut que tu le fasses. D'accord? Le dernier degré, tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est toi. C'est toi. Là, c'est toi qui fais l'effort de ça. Vous avez compris, Inch'Allah? Donc, ces règles-là, elles sont importantes à connaître dans la mosquée. Il y a également des gens qui font une erreur, c'est ne pas passer le salam. Ça, c'est pareil. C'est une erreur, ça s'appelle le hajr. Le hajr, par exemple, je viens, je dis jamais salam alaikum à un tel ou un tel. Je fais exprès de ne pas le passer pour lui mettre une rage dans son cœur. Ça, c'est permis, c'est interdit, ça. Ça, à la base, c'est interdit. C'est interdit, il faut savoir une chose, c'est que c'est interdit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'asaf ki dima'i akhi. Il a dit que le fait de faire ça, c'est comme si tu lui faisais couler son sang. Alors, à tous les frères, à toutes les sœurs, qui se mettent à un certain niveau dans leur foi, qu'ils sachent cette chose-là, qu'ils ont un certain niveau dans leur foi, qu'ils sachent cette chose-là. C'est pas parce que lui, il n'a pas de barbe, ou parce que lui, il n'a pas le kamis comme toi, ou parce que lui, il n'a pas suivi la même chose que toi, que tout de suite, tu dois faire quoi? Tu dois faire le hajr. Le hajr qui est le boycott, le fait de ne pas passer le salam. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Et c'est comme si tu lui faisais couper, c'est comme si tu lui faisais couler son sang. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est, et ce problème-là, il existe beaucoup, malheureusement, dans les mosquées. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, il ne faut pas faire le hajj. Il ne faut pas faire le hajj. Cheikh l'Islam, il dit, si tu fais le hajj, tu ne le fais qu'avec certaines règles, avec certaines conditions. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a fait le hajj qu'à des personnes, si je me souviens bien, trois fois dans sa vie. Il l'a fait trois fois dans sa vie, ou deux fois, si je me souviens bien. Et il l'a fait qu'avec des gens qu'il aimait. Il ne l'a pas fait avec tout le monde. Et Cheikh l'Albani, rahmatullah alayhi, il dit que celui qui veut pratiquer le hajj, avec le premier qui a des désobéissances qui sont apparentes, où c'est qu'il finit? Il va finir dans la montagne. Il va finir dans la montagne, il va finir comme un ermite, il ne va plus céder la main à personne, il va rester vivre dans une montagne. Non, mes frères, ce n'est pas comme ça. L'islam, ça doit être quelqu'un qui doit ramener vers le musulman, ça doit être quelqu'un qui doit ramener vers le haqq. Et toi, en lui passant salam, en lui faisant sourire, et en le ramenant, et comme on a parlé du bon comportement dans toute cette khutbah-là, dans tout ce calme-là, dans toute cette conférence, et ben, c'est ça le but, Yahri. Si toi, tu appliques ce qu'on a dit aujourd'hui, et qu'on essaie tous de pratiquer, kufful ada, wa badlul nada, wa talaqat al-wajh, le fait de ne pas faire de mal, le fait de quoi? D'être généreux, et d'avoir un visage radieux. Et bien, wallahi, mes frères, si vous pratiquez ça dès aujourd'hui, votre mosquée va changer. Et votre image qui est intérieure, elle va refléter par l'extérieur. Vous allez être beau, wallahi, vous allez être beau. Quand je vous dis beau, bima'na al-kalima. Vous allez avoir un beau visage, vous allez avoir la joie de vivre cette religion. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Quelqu'un qui est joyeux là-dedans, ça se voit là. Quelqu'un qui est joyeux là-dedans, ça se voit là. De n'importe quelle couleur qu'il est. Barakallahu fikoum, ikhwa. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans cette muhadara-là, Inch'Allah, on peut répondre à cela. Sinon, Inch'Allah ta'ala, là on a pris un coup de fatigue. Inch'Allah, barakallahu fikoum. Subhanakallah. Pas de choses qui sont mal comprises. Voilà, c'est bon. Donc à partir de maintenant, quoi? Les trois choses. كف الأذى وإيش بذل الندى وإيش وطلاقة الوجه. Ça c'est la définition de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikoum. Excusez-moi d'avoir pris autant de temps, mais j'étais obligé, malheureusement. Barakallahu fikoum.